Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Samuel, c'est sa deuxième chronique aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, toujours pas de nom. Toujours pas de nom, mais c'est ça. Il a pas aimé le nom qu'on lui a présenté tantôt. Non, je pense pas. Ben, je pense qu'il l'a trouvé drôle. Il l'a trouvé drôle. Dis-vous bien ça, au moins. Bon, ben, jusqu'à temps que t'en trouves un peu comme j'ai fait avec ta nièce, Gonna Entertain Yes, je vais te nommer comme ça jusqu'à temps que t'en trouves un meilleur. Okay? Donc, okay. Voici Samuel Girard qui part sur une chaîne rare. Hein? C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça. Jusqu'à temps que t'en trouves un. Bonjour à toi, Samuel Girard! Hello! Hello! How you doing? Ah, ça va bien, ça va bien. Mais, on pète le feu là, de ouais, partout. Là. Mais tu vas voir qu'avec le nom temporel que tu as trouvé, tu vas voir que ça va bien coller à matin. Ah, parce que tu vas chialer aujourd'hui. Un petit peu beaucoup, oui. Ah ouais? Okay, ouais. À quel sujet? Ben, premier chialage que je veux faire, est-ce que quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi est-ce que mon autocorrect n'arrête pas de me remplacer sur mon cellulaire mes « je » par des « ne » Ah, c'est bizarre, c'est comme... Il me semble que « je », c'est correct. Mais on dirait que tu fais une erreur toi-même, dorénavant, ça devient ça, comme le mot « aussi ». Il n'arrête pas de me corriger en « A-U-A-S-S-I ». Mais monsieur, enlevez votre autocorrect puis écrivez comme du bon. Non. Mais je pense que moi, il est enlevé, c'est ça le pire. Ah ouais? Ça fait ça pareil. Moi, j'ai besoin d'autocorrect dans ma vie pour réussir à bien écrire. Sauf que ça fait qu'il y a des messages qui se tiennent absolument pas parce que des fois, je me relis pas. Et ça, c'est vrai. Hein? C'est n'importe quoi. On fait tout ça. Ouais, on aime ça. Tant qu'il arrive pas des espèces d'erreurs. Je vais essayer de trouver un exemple vraiment. Ouais. Ah, exemple, t'es en train de texter quelqu'un et tu dis « Bon, je m'en vais me coucher. » Mais lui, il t'auto-correct parce que tu t'es trompé d'une lettre pour toucher. Ça peut être malaisant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, mais faut croire que j'ai déjà eu la peur que ça m'arrive pour que cet exemple-là me pop dans la tête ce matin. Wow! Oh. Ouais. Hey, j'avoue que ça c'est pas pire malaisant. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai. Ben, je m'en vais me toucher. Coucher. Ouais, c'est ça. Bref. Autocorrect. Premier chialage à matin. C'est réussi. Mais tu vois, c'est un chialage sympathique. Oui, oui. Tout le monde peut comprendre. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai pas autocorrect, en fait, parce que ça me tapait royalement sur les nerfs. Pourtant, c'est tellement pratique les journées où je suis maladroit en tapant. J'ai des gros doigts, ça. Ah, OK, c'est bon. Mais j'ai des petits doigts, mais je suis maladroit. T'as des petits doigts, je m'en vais me coucher. Ouais, c'est ça. Ça va me suivre, là, ce gag-là. Ouais, c'est sûr. Oui. Ça pourrait être le nom de sa chronique. Oui, je m'en vais me toucher. Au lieu d'aller me coucher, je vais me toucher. C'est parfait. Ça part bien, hein? Bon matin, tout le monde. Bon matin. Et tout va bien. Tout va bien. Sujet principal. De quoi est-ce qu'on parle? En fait, j'ai deux sujets aujourd'hui. Parce que je me suis dit que si je chiale juste sur un, ça va passer vite. Ouais. À moins que vous ayez plein de choses à dire, mais ça, c'est pas grave. Ça va juste... Ça dépend sur quel sujet tu chiales. Ça dépend si on veut se mouiller sur ces sujets. C'est correct, je vais vous parler d'énergie faite avec les barrages ce matin. Donc, vous pouvez vous mouiller un peu. Si vous avez parlé d'énergie, une autre sorte d'énergie, probablement que j'aurais aimé chialer là-dessus, mais je le ferai pas. Non, je vais commencer avec un texte de Richard Martineau qui s'intitule « Des milliards dans le vide okay. ». Donc, texte récent. C'est la semaine dernière que je suis tombé là-dessus. J'ai trouvé ça excellent. Juste pour vous lire le début de son texte, c'est « Hydro-Québec verse des millions de dollars par année à TransCanada Energy pour une centrale au gaz naturel qui est fermée depuis 2007. » Ah bon, OK. Ça commence bien, hein? OK. Donc, une centrale qui est située à Bécancour qui a coûté 500 millions pour construire. Le problème, c'est que Québec, on nage dans les surplus d'électricité, ça va tellement bien. Et donc, on n'a pas besoin de cette centrale-là, mais il y a contrat. Donc, on donne 150 millions de dollars par année à TransCanada Energy. Il y a contrat, on peut pas briser ça. Ouais. Exact. Ouais. Hein, c'est ça, des contrats qu'on peut pas briser. C'est vraiment nul, ça. Tu connais ça ensemble? Oui, c'est ça, exactement, sans commentaire. Donc, ça fait en sorte que c'est 1,5 milliard de dollars injectés pour absolument rien depuis quelques années, depuis 2007. OK. Ça vous donne une petite idée. Ils font rien avec cet argent-là. Ouais, non, mais c'est ça. Ils la font rien. Bang des fonds. Ils disent pas, bon, on a l'argent, on va faire quelque chose avec. On va le remettre à la communauté par différentes. À moins que TransCanada décide de faire quelque chose avec ça, l'argent est vraiment envoyé dans le vide. Ça sort dans les poches de quelqu'un. OK. Que lui, il a pas besoin de dépenser pour faire rouler une centrale. Wow. Ouais, c'est ça. C'est ce que moi aussi, je me suis dit. Mais wow. Il doit y avoir une partie qui est remise aux anciens employés. Je peux pas croire. C'était du monde. L'argent va sûrement à du monde, comme il a dit dans les postes des boss, des cadres, ouais. des ça. Mais en tant que tel, ça apporte rien à. Je sais pas, les employés, c'est pas le chômage, tu s'occupes d'eux autres, toi. Ben là, je sais pas, quand tu verses encore plein d'argent comme ça. Non, si je pense que le contrat devait stipuler que le gouvernement devait injecter tant d'argent par année à la compagnie pour faire rouler la centrale, les subventions, mais même si la centrale roule pas, ils doivent continuer d'injecter ce montant-là. Ridicule. Est-ce que ça va arrêter un jour? Y a-t-il une date de fin? C'est ma prochaine ligne. C'est là que je grince des dents encore plus. Premièrement, pour histoire de craquer encore une couple de personnes, qui est responsable de ce contrat-là? Eh bien, sachez que c'est notre bon ami Jean Charest, en 2006, qui a fait ça. Et sachez que le contrat stipule que l'engagement doit tenir jusqu'en 2036. C'est loin, là. C'est très, très loin. Attends, c'est dans 20 ans. Oui. On peut-tu faire le calcul, ça équivaut à combien? Ben, c'est facile. C'est 150 millions fois 20 ans. Je vais essayer, OK? Ouais. Qui va être le plus rapide là-dedans? Fois 20. 3 000 millions, c'est quoi, 3 milliards? Oui, bon. C'est 3 milliards en tout. Okay. Tu connaissais la réponse? Je connaissais la réponse. Hein? Ouais. Tu fais 150 millions fois 2 puis t'ajoutes un zéro. Ah, ben là. Oh, c'est juste ça. C'est trop facile, ça. Trop facile. Ouais, t'as génie, lui. Non, mais je trouvais que vous étiez bien parti pour compter. Je dis go, on y va. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça revient tout le temps à la mentalité québécoise que je dénonce souvent. C'est on paie avec l'argent de tout le monde, donc de personne. Donc, on a injecté de l'argent, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, mais c'est surtout le fait que. Elle va à personne, cet argent-là. Elle va à personne. Et je tiens à vous rappeler, parce que. Rappelez-vous que je suis pas celui qui dénonce le plus l'austérité, entre guillemets, ou comme j'aime l'appeler, la faussetérité au Québec. Parce que c'est de la fausse austérité. Ouais. OK? De la vraie austérité, on connaît pas ça. Juste vous donner une idée. Donc, disons que j'encourage la façon de procéder qu'on peut faire mieux au Québec qu'est-ce qu'on a avec moins d'argent. Par contre, là où je trouve ça vraiment plate, et j'aime ça aussi dénoncer les incohérences du gouvernement, c'est qu'on injecte de l'argent dans le vide, de l'argent qui sert strictement à rien pour les services pour lesquels on paye, et en retour, on demande à des services essentiels de se serrer la ceinture. C'est là que ça marche pas. Ouais. Si tout se faisait correctement, je serais d'accord avec la partie qu'on doit mieux gérer qu'est-ce qu'on dépense. Mais là, d'un côté, on a un tuyau qui sort de l'argent à côté, puis de l'autre côté, on dit « serrez-vous la ceinture ». Ouais. Ça fait pas de sens. Pour rajouter en plus à ça, on injecte des centaines de millions dans des projets informatiques qui voient jamais le jour ou qui prennent une éternité à être réalisés. Il y a des centaines de millions qui sont versés dans la production d'énergie éolienne dont on n'a pas besoin. Je tiens à vous rappeler qu'on a déjà une énergie extrêmement verte au Québec, c'est-à-dire les centrales hydroélectriques. Mm-hmm. Okay? Oui, on a fait des erreurs en les construisant, en laissant des réserves naturelles être inondées, en devant déplacer des gens qui habitaient ces territoires-là. Bon, on a fait des gaffes à l'époque. Maintenant que c'est fait... Moi, ils sont déjà faites. L'erreur est faite. Mais aujourd'hui, c'est une énergie verte. Donc, on n'a pas besoin de l'éolienne. On n'a pas besoin de construire quelque chose de coûteux, que ça coûte plus cher de produire de l'électricité que les centrales hydroélectriques, mais on le fait pareil. Le point où je suis d'accord avec les éoliennes, c'est qu'on développe notre expertise pour permettre à d'autres gens de développer l'éolienne. Mais pour développer notre expertise, est-ce qu'on a besoin de tapisser le Québec d'éoliennes? Je crois pas. Si on avait encore au Québec des centrales au charbon, des centrales nucléaires, je dirais « OK, le virage à l'éolienne, ça fonctionne. » Mais on a déjà mieux que l'éolienne. Donc, pourquoi se casser la tête avec l'éolienne? Ben, c'est-tu pas parce que l'eau, c'est pas éternel? Tant qu'il arrête pas de pleuvoir, nos cours d'eau vont être « éternels », entre guillemets. Oui, mais ça peut descendre, là, t'sais. On a vu des années là, où que le niveau d'eau était assez vraiment... bas. Ouais. Ça s'est toujours replacé. Mais t'as vraiment une haine envers les éoliennes, mettons. J'ai pas une haine envers les éoliennes, parce que comme je dis, c'est pratique dans certains contextes. C'est juste que dans notre cas, ça fait pas de sens. Au Québec, on a la chance d'avoir un territoire aménagé parfaitement pour l'hydroélectricité. Pourquoi est-ce qu'on fait des dépenses supplémentaires pour des éoliennes quand, en plus, déjà, on a un surplus d'énergie? C'est juste ça, en fait. Mm-hmm. Parce que l'éolienne, j'ai rien contre ça. À quelque part, c'est de l'énergie verte, puis ça permet de remplacer certaines formes d'énergie que je considère très polluantes. Mm-hmm. C'est juste qu'au Québec, je vois pas l'intérêt. Donc ça, c'est ça pour l'éolienne. On a aussi des centaines de millions investis dans des entreprises agonisantes pour acheter des votes et faire plaisir aux régions. Comment? Hein? Ouais, répète ça. Des centaines de millions investis pour des entreprises agonisantes ou pour acheter des votes et faire plaisir aux régions. Okay. Exemple, la cimenterie à Port-Daniel. Mm-hmm. Ça, c'est carrément inutile. Ça va être extrêmement polluant. Ça va être le projet le plus polluant au Canada. Mais ça fait travailler les gens et c'est important pour acheter des votes. Oui. 1,3 milliard à Bombardier. Okay. Bombardier n'avait pas besoin de 1,3 milliard. Ils ont besoin d'un ménage dans la direction pour que ce soit mieux géré. OK. Parce que même si tu leur injectes 1,3 milliard, tant que les personnes incompétentes sont en place, ton 1,3 milliard, il va s'évaporer lui-ci. Ils vont juste mal le dépenser. Ben oui. Ouais. Donc, bref, au Québec, on fait dur. Ça revient encore à dire, on a un tuyau où l'argent sort à côté, puis de l'autre côté, on demande à des gens de serrer la ceinture. Ouais. Donc, c'est encore une fois de l'incohérence. Je vous lis un petit passage du texte de Richard Martineau parce que j'adore sa plume et j'aime ça quand il passe sur une dérape. « De l'argent, veux-tu, en v'là. Le Québec est un sans-abri qui roule en Lamborghini, un assisté social qui passe ses vacances dans le sud et qui a un chalet dans le nord. Pas d'argent pour payer l'épicerie, mais 2 cellulaires, 3 ordi et 4 télécâblés. Serrez-vous la ceinture, disent-ils, en donnant 1 milliard de dollars pour une centrale qui ne produit rien. Allez-y mollo sur la dépense. Apprenez à vivre selon vos moyens. » T'aimes sa plume? Je trouve ça agressif un peu. C'est un peu agressif. Mais moi, j'aime ça. Je sais pas, il me semble que c'est un peu... J'ai de la misère à trouver le terme. Je sais pas comment l'appeler, Richard Martineau. C'est de bas étage comme écriture, je trouve, moi, personnellement. Mais bien souvent, je suis pas vraiment en accord avec ce que Richard Martineau dit. Ouais. Ben là-dessus, moi, je le suis d'accord. C'est ça. Je vais avouer qu'il y a des points sur lesquels je suis en accord, comme l'argent encore versé pendant 20 ans. Là. Ça, c'est... Je pense que j'aimerais trouver une personne qui est d'accord avec ça. Genre, ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y en ait. À part les gens qui reçoivent l'argent. À part, y a-t-il quelqu'un qui est allé demander à TransCanada Énergie ce qu'ils font avec cet argent-là? Ce serait le fun parce que peut-être qu'ils ont de très bonnes raisons de recevoir cet argent-là. Peut-être qu'ils font plein d'œuvres communautaires. Tu sais, peut-être que Richard Martineau aurait peut-être dû appeler. J'aime bien la manière que tu l'as dit. On était trois à parler en même temps. Tania, t'as dit quoi, toi? J'ai dit peut-être que Richard Martineau, en écrivant son article, aurait peut-être dû appeler. Ouais, mais je pense pas que vérifier les faits. Ce soit vraiment quelque chose que Richard Martineau fait. À notre avis. Et pourtant, c'est rempli de faits, cet article-là. Tous les chiffres que je viens de vous donner proviennent de l'article qui ont été vérifiés. Oui, mais il va jusqu'à la place où ça lui donne un argument à chialer. Il va pas aller plus loin pour explorer, voir qu'est-ce qu'il y a dans les découlements de tout ça. Reste que quand même, je trouve que c'est des excellents points pareils. Mais, comme dit, Richard Martineau ne fait pas l'unanimité. Non. Donc, c'est juste normal qu'on ait ce débat-là ce matin. Je pense que c'est normal. Sûrement qu'il le dirait lui-même que c'est un polémiste, comme tu as dit avec André Arthur. Exactement. À un moment donné, c'est des gens qui sont là pour créer la controverse. Oui, ils sont pas là pour te dire, genre, le revers de la médaille. Exactement. Ils s'en cachent pas. Ils savent très bien qu'ils sont là pour faire la controverse. Et le débat public que ça amène, souvent, va amener les deux côtés de la médaille. Oui. Mais s'il n'y avait pas eu ce texte-là initialement, on n'en aurait pas parlé. C'est ça. C'est ça que j'aime un peu de ces personnes-là. C'est bien de brasser la cage des fois. Ça, c'est vrai. Hein? Puis je trouve que ceux qui chiolent le plus, c'est ceux qui ont de la misère à sortir de leur zone de confort. C'est vrai, ça aussi. Hein? Tu vois, on est d'accord là-dessus. Hein, c'est ça. Pour juste conclure cet article-là, on va passer à mon prochain sujet. Juste pour vraiment insulter les gens encore plus. pendant ce temps, qui est lobbyiste pour TransCanada Énergie? Ben, c'est Patrice Ryan, un proche du Parti libéral, un membre actif de la commission politique du Parti libéral du Québec. Ah, ah, ah, de là, l'importance du contrat jusqu'en 2036. Et voilà. Hein? Comme on dit, un bon chum, c'est un bon chum. Récompensons nos bons amis. C'est ça. Bon. J'ai fini cette partie-là. OK. On change de page. Oui. C'est ça. Ah, je trouvais que ça commençait bien, ça ma chronique. Ça se passe pas un autre article de Richard Martineau? Non, ça c'est purement personnel, qu'est-ce qui va suivre. Oh, attention. Ouais, c'est attention, je me touche. Oh. Excuse-moi, je me couche. Il fallait être là au début de l'école. Ouais, pauvre personne qui vient d'arriver, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est qui ce chroniqueur-là? Que se passe-t-il? On parle d'autocorrect au début de l'école. Oui. Ouais, c'est ça. Hey boy. pardon. Donc, la suite, je veux parler du 750 000 $ qui a été donné à Claude Legault. Oui, l'histoire de la CSST. Exact. Et c'est toi qui avais raison, Mathieu, c'est bel et bien sur 5 ans. OK. Quand on avait parlé, c'est pas mal moins pire. Mais tu sais, ouais, il me semble. Je comprends que c'est de l'argent. On peut faire un recap pour les gens qui savent pas trop qu'est-ce qui se passe avec Claude Legault. Claude Legault est porte-parole de la CSST. La CSST reçoit 750 000 $ sur 5 ans. Mm-hmm. Ça fait combien, ça? Ça fait 150 000 par année. Ouais. Et ouais, combien il fait sur un épisode d'une série quand il fait quelque chose? Ça, je sais pas. C'est les chiffres que je voudrais savoir. Donc, pas mal plus que ça. C'est ça. Donc, on engage Claude Legault pour faire des publicités pour la CSST, histoire de sensibiliser les gens aux accidents de travail qui peuvent arriver. Oui. Okay? L'importance du cadenassage, l'importance d'avoir un environnement sécuritaire quand on travaille. Mm-hmm. Jusque-là, tout va bien. Je suis 100% d'accord sur ces pubs-là. Bon, je suis ingénieur, je vais être amené à travailler dans les usines une bonne partie de ma vie. Mm-hmm. C'est un point qui me touche énormément, la sécurité au travail. Oui. OK? Je déteste me promener dans ça une usine. Ça te touche? C'est sûr que ça te couche pas? Ou ça te douche pas? Ouais, c'est ça. Ou ça te mouche pas? Oh, hey, tu peux continuer longtemps avec ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe quand j'arrive sur le plancher dans une entreprise quelconque. Je regarde l'équipement et je sais pas pourquoi, mais mon réflexe, c'est de voir toutes les possibilités d'accidents qui peuvent survenir. C'est bon, c'est ce qu'ils veulent faire, puis ça a fonctionné. En fait, moi, c'est depuis toujours que j'ai été... on dirait que je suis fait de main. J'aimerais pas ça travailler sur une machine où je pourrais me pogner main dedans. Ouais. Okay? Ouais. Donc, je remarque ça tout de suite. Tant mieux, et j'espère qu'il va y avoir plus de gens sensibilisés à ça, parce que j'en connais que... ils s'en foutent complètement. Ouais. Autant des employés qui travaillent avec la machine, autant des boss qui doivent octroyer l'enveloppe budgétaire permettant d'améliorer l'équipement. Mm-hmm. OK, c'est les deux côtés. Donc, on engage Claude Legault, on s'est dit un visage familier devrait aider à améliorer la situation. Oui. Oui. 750 000 sur 5 ans, je trouve ça énorme comme montant à donner à une personnalité publique pour quelque chose dans le genre. Et là, la CSST se défend en disant que c'est justifié et que ça l'a nettement amélioré la situation. Je trouve ça vraiment hypocrite de la part de la CSST de nous amener quelque chose comme ça parce que j'ai les chiffres. Ah bon? Je donne le crédit à Antagoniste pour avoir sorti le graphique. Donc, Claude Legault est devenu porte-parole en 2011. Oui. De 2006 à 2011, on avait une diminution en moyenne de moins 6,7% par an du nombre d'accidents au travail. Depuis l'arrivée de Claude Legault, c'est une diminution de 1,1% par année. Ça se compare même pas la performance de qu'est-ce qui se passait avant à qu'est-ce qu'on a maintenant. Ouais. OK? Ouais. Et même là, il y en a encore trop. Mais mettons, là, ouais, le budget publicitaire en affiche... ouais, c'est ça. Aurait été de combien? Probablement le même. L'argent aurait servi autant pour... le pourcentage n'aurait pas plus monté ou descendu ou peu importe. Donc, l'enveloppe budgétaire de la publicité dans la vie est toujours élevée. C'est ça. Si c'est un montant fixe qui doit octroyer de toute façon, moi, je dis, d'abord, donnez pas 750 000 à Claude Legault. Regardez qu'est-ce qui faisait le succès dans le temps, si je peux dire ça comme ça, donc de 2006 à 2011, qui faisait en sorte que la diminution était aussi marquante. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, il me semble 2006-2011, c'est pas dans cette période-là qu'ils nous passaient des images chocs. C'était bon, ça aussi. Avec celui qui se pognait la main dans le convoyeur. C'était même avec, moi, je trouvais ça meilleur. Ben, c'est pas au début de Claude Legault, ces fameuses publicités-là? Ça se peut, je sais pas. Ben non, c'est avant. Ouais? C'est avant lui qu'ils ont fait ça. Et on dirait que c'est à ce moment-là qu'on a eu le plus grand impact sur l'amélioration dans les milieux de travail. Mais en même temps, tu peux pas continuer ça. Ben, en fait, ben oui, non. Tu peux continuer ben, ça. Ben, tu peux continuer ça, mais c'est parce qu'aux yeux d'un grand public, tu peux-tu vraiment te permettre de passer ça? Ben, c'est ça. Moi, quand je soupais en écoutant les nouvelles et que je voyais cette image-là de quelqu'un qui se faisait broyer la main, je m'excuse, mais ça gâchait carrément mon souper. Clair. Je perdais un peu l'appétit. Alors que Claude Legault, pourtant, il te la donne. Tout le monde aime ça. Tout le monde te donne l'appétit. En passant, ça, c'est rien contre Claude Legault. Hein. J'ai beaucoup de respect pour lui. Peu importe, ça aurait été qui. C'est ça. Puis j'avais amené aussi le même principe. Ils ont engagé Louis-José Hood pour faire une campagne de publicité sur l'importance de lire des ouvrages québécois. Ouais. Okay? Oui, ça, j'ai vu les publicités. C'est ça. Je pense que le total, si on considère l'enveloppe donnée à Louis-José Hood plus la publicité, en tout cas, le total dépassait les 7 chiffres. Ouais. Donc, on était dans un montant dans les 7 chiffres. Moi, je me dis, premièrement, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont vouloir lire les livres québécois, c'est s'ils sont bons. Pas si tu mets Louis-José Hood comme tête d'affiche. Ça dépend, là. J'ai comme pas l'impression. Parce que si tu veux que ton produit se vende, ça prend la face que quelqu'un connaît. Mais moi, je pense que c'est Louise Deschâtelet, mettons. Mettons, c'est Louise José Mondou. Non, mais tu penses que Piqué Souben, là, il est payé combien pour lancer sa garnette de boîte de pizza pour Boston Pizza? C'est ça. Ben, c'est sûr qu'il payait beaucoup. Bon, exactement. Sauf qu'il y a une différence entre amener des gens à un restaurant puis dire aux gens de lire. Moi, dans mon cas, si je trouve pas plus... C'est quoi la différence? Ouais, ben, si j'ai pas plus un bon livre, je lirai pas plus, peu importe le porte-parole que mais tu me donnes. Mais c'est toi qui choisis le livre. C'est ça, s'il y a personne pour te dire que le livre est bon, mettons que c'est une personne que t'as pas confiance en elle qui dit que le livre est bon, alors que Louis-José Houde, t'as confiance en lui. Mettons-le, ben, on met grossièrement que le gars qui fait les annonces de la CSST, c'est Richard Martineau. Va-t-il y avoir une grande différence? On me souffle à l'oreille que les millions mis dans ces pubs-là auraient pu servir. C'était quoi? C'était à des artistes ou des éditeurs, bon, des gens qui auraient pu mieux mettre en valeur. Mais je vais donner un exemple. Okay? Le meilleur exemple que je peux trouver, c'est Patrick Sénécal. Ouais. Okay? Ouais. Patrick Sénécal, je n'ai jamais vu de publicité qui me disait « lis du Patrick Sénécal ». C'est déjà un nom établi. Non, mais reste, il a fallu que ça le fasse, son nom, au départ. Mais ça a été vraiment long. Tout le monde a au moins un livre de Patrick Sénécal dans sa bibliothèque. Partout où je vais, il y en a un. Donc lui, il fait une écriture de qualité. Les gens vont avoir le goût de le lire. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je suis pas certaine que tu mets Patrick Sénécal à la télévision et tout le monde va savoir que « Ah, c'est la face de Patrick Sénécal ». Ben, peut-être pas, mais je veux dire, mais quand même... Mais tu mets Louis-José Houde à la télévision, tout le monde sait c'est qui Louis-José Houde. Ouais, mais reste, c'est le principe que c'est la qualité qui vend et pas une pub dans les 7 chiffres pour te dire « Ben, lisez mais québécois okay. ». OK, mettons là, la pub dans les 7 chiffres. Là. Oui. Ça, c'est une... C'était qui a payé cette publicité-là? C'est le gouvernement. Le gouvernement. Donc là, c'était les taxes. C'est ça qui est l'outrage. OK. La CSST, c'est sûr que ça me fait déjà chialer un peu plus à la base. Hein? C'est pas du privé et qui ça, finance ça. Et ça, on sait. Ça pourrait être un titre de la chronique aussi, genre les taxes. Mais la CSST, c'est l'argent des contribuables aussi? Oui. OK, bon, c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est l'argent des contribuables. Mais c'est ça, temps, et j'aime ça, pas le qu'on problème, fasse c'est pas la quoi face avec du ça. Gars. Je pense pas. Et si, mettons les revenus que la CSST ou le gouvernement fait, peu importe, dans un certain domaine, et qu'un certain pourcentage est mis sur la publicité... Faut que le budget soit mis sur la publicité quelque part là-dedans. De toute façon, faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis là-dedans. De la manière que ça fonctionne, oui, il y a une enveloppe budgétaire qui est réservée à ce genre de dépenses-là. S'ils veulent le mettre sur Claude Legault ou sur Louis-José Houde, c'est pas le problème, non? Oui, sauf qu'en même temps, la question que j'ai en tout temps, c'est est-ce que c'est efficace? Les chiffres que j'ai sortis pour Claude Legault montrent que ce n'est pas efficace. C'est toujours là la question. C'est est-ce qu'il y a moyen d'envoyer ça aux bonnes places pour avoir un bon impact? Si on est obligé de la donner, cette enveloppe-là, premièrement, je suis contre le fait qu'on soit obligé d'avoir des enveloppes quelconques à donner. OK, il y a toujours le problème. Bon, si vous avez autant d'argent pour pouvoir mettre sur des publicités, exemple pour la CSST, ben pourquoi est-ce que vous retirez pas cette enveloppe-là et vous la mettez pas dans quelqu'un qui va se promener d'entreprise en entreprise faire de la sensibilisation auprès des patrons? C'est sûr. Tu sais, est-ce que moyen de... Mais ça, c'est pas dans le contrat de Claude Legault? De faire le tour de certaines entreprises. Ouais. Parce que quand que... Oui, c'est bien beau de faire les publicités, mais il est porte-parole de la CSST. C'est ça. Il fait des conférences. Mais c'est pas 150 000 ou 750 000 seulement pour la publicité. Non. C'est 750 000 pour l'ensemble du contrat d'être porte-parole de la CSST. Reste quand même, ça fait 150 000 par année. Et trouve-moi un emploi que t'es payé, que tu serais payé 150 000 par année et que tu pourrais quand même, en dehors de tout ça, faire des rôles dans des films, dans des séries un peu partout. Je suis d'accord, mais par contre, il n'ira jamais accepter un rôle où qu'il va, lui, poigner la main de quelqu'un dans une machine. Parce que ça vient à l'encontre du contrat d'être porte-parole. Ouais. C'est sûr. Puis il est porte-parole 24 heures sur 24. Échangez de place. Tu vas aller José Houd à CSST, puis Claude Legault qui va aller. Puis le problème est réglé. C'est ça. Me tax. C'est ça. Donc en fait je vais m'arrêter là-dessus. Donc c'était, je voulais juste un peu faire un brassage d'idées. Oui. OK, donc c'est sûr que moi de mon côté, je suis pas d'accord avec la façon dont c'est fait. Mm-hmm. Chacun va avoir son mot à dire. J'ai vu Régent Parent qui est un ancien syndicaliste. Donc bon, lui il dit que c'est une aubaine. Ce 750 000 là donné à Claude Legault. Et t'as d'un autre côté, t'as Mac Balmore, l'avocat, que lui il est complètement scandalisé, puis il dit qu'il y a plein de choses qui pourraient être faites mieux du côté de la CSST. Ouais. Parce que lui il défend régulièrement des clients qui ont des problèmes avec la CSST, mais pendant ce temps-là, on va donner 750 000 à une personnalité publique. Ça, c'est pas faux non plus. Donc, c'est pas faux non plus, mais c'est vraiment de sa faute? Non, il y a peut-être pu mieux dealer ce contrat-là, peut-être un petit peu à la baisse. C'est peut-être vraiment. C'est quand même. C'est trois quarts de millions. C'est sur cinq ans. sur 5 ans. Ça reste quand même 150 000 par année. Hey, la journée, oui. Je vais me trouver un contrat toi... 150 000 par année. Là, je... Mais est-ce que toi, tu prendrais la job d'être porte-parole 24 heures sur 24, peu importe où tu vas, puis que tout le monde t'en parle, puis qu'il faut que t'en parles partout où tu vas? Pour une cause qui me tient à cœur, oui. Et je te dirais que l'argent serait pas un problème rendu là, parce que je te soutiens déjà des causes publiquement, bénévolement. Ouais. Oui, ça, c'est... Pas au même titre que lui le fait. Mais reste, je veux dire, quand t'as quelque chose qui te tient à cœur, c'est pas, t'es pas censé te faire acheter par l'argent. T'es censé le faire parce que vraiment, t'as le goût que ça change. Et là, on dirait qu'on a eu besoin d'acheter Claude Legault. Ouais! À ce montant-là, là. Je sais pas, Claude Legault, il est pas là pour se défendre. C'est hypothétique. Mais... Non, mais c'est, ouais, ça. C'est ça que je dis, je veux rien dire contre Claude Legault. Ça aurait pu être n'importe qui se retrouve là, là. C'est pas contre lui. C'est de la façon dont, c'est, dont ça procède. Mais t'sais, c'est de la façon que. Tu sais, veux pas. Comme tu dis depuis tout à l'heure, il y a deux côtés à une médaille. T'sais, oui, Claude Legault se voit recevoir 750 000. Ouais. Mais qui dit qu'il n'a pas demandé 1,5 million? Et de, ça exactement, ça, c'est un très bon point. Et de l'autre côté aussi, si quelqu'un t'offre 750 000, ben OK, mettons, tu voulais déjà le faire. Est-ce que tu vas vraiment dire « Oh non, non, non, excuse, garde ton cash? Ouais, » pourrais-tu me donner juste un quart à la place de million? C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis que le blanc vient beaucoup plus de la CSST. Tout à fait. Exactement. Voilà, problème clos, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Et de plus en, que plus, ça. En plus, jeudi, c'est un de nos sujets que je vais débattre avec Steph. Ben justement, jeudi, à Génial Liberté, à 9h30, qu'est-ce qui s'en vient? C'est... Samuel, je vais t'appeler Sébastien. Non, on n'est pas mercredi, on est lundi. On parle de choses qui me font activer le cerveau plus que d'autres. Ah, c'est, moi, c'est Sébastien. Ben c'est bien, non, mais j'aime ça. Ça a fait un bon échange ce matin. Hein? Surtout le nom de Richard Martineau, on dirait que ça allume. Ah, un ça peu. L'a allumé, mon gars. Plouc, Génial Liberté, jeudi. Génial Liberté, jeudi. Donc, on va avoir le sujet de Claude Legault. On va parler aussi de du PQ qui envoie une mise en demeure à la CAQ. On va prendre le temps aussi de s'installer pour notre première émission de 2016. Évidemment, on va parler des nombreuses personnalités qui nous ont quittés dernièrement. Mm-hmm. Donc, ça, c'est toujours un peu triste. Donc, plein de sujets comme ça. On va se gâter. Bon, Génial Liberté à 9h30. On parle du prix de l'essence aussi. Ah, un autre gros sujet. Ouais, c'est ça. C'est jeudi matin. Ça repasse les samedis à 10h aussi. Oui. Et sinon, on t'écoute à Matière Noire les mardis soirs. Oui, ça commence demain. À 21h. Oui. Merci beaucoup, Samuel Gérard. Ben, ça fait plaisir. Au Mathieu Planchot aussi. Ça, dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. Les plugs, là. On va s'habituer à faire des plugs à chaque semaine. Non. Voilà. Samuel Gérard qui part sur une chiare. Voilà. C'est pas meilleur. Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con. Un certain midi cette semaine. Je vous parle d'une nouvelle qui a rapport à la nourriture. Ben oui, le rapport, il est là. Hein? Je vous parle de vinaigre. Vinaigre blanc. Mais non, pas dans la nourriture. Je vous en parle comme allié du ménage au naturel. On l'adore, hein, pour préparer nos cornichons, mais on aime moins son odeur dans notre foyer. Pourtant, le vinaigre blanc a tout bon dans la maison. Moi, ça me fait rire parce que je travaille souvent avec du vinaigre. Je fais souvent des réductions de vinaigre balsamique, etc. Et puis tout le monde chiale tout le temps contre l'odeur du vinaigre dans la maison. Moi, personnellement, j'adore cette odeur acidulée. Et puis je trouve pas que c'est difficile à respirer, mais en tout cas, j'en entends souvent qui pleurent autour de moi. Le vinaigre est bon à tout dans la maison. Il nettoie du sol au plafond. Son prix est très attirant et son faible impact sur l'environnement en font le produit numéro un à utiliser au quotidien pour assainir et désinfecter toute la maison, le studio, etc. Donc, le vinaigre pour détartrer, et remplissez un flocon vaporisateur de vinaigre blanc et vaporisez la douche, les robinets de la maison, l'intérieur du lave-vaisselle ou encore la machine à laver. Laissez agir quelques minutes, puis rincez. Le calcaire est dissous instantanément. Pas besoin de frotter. Le vinaigre pour laver les vitres. Remplissez un flacon vaporisateur d'une tasse de vinaigre blanc et complétez avec de l'eau claire. Vaporisez directement sur les vitres, puis passez un chiffon doux pour essuyer. Si vous ne supportez pas l'odeur, ajoutez-y 5 ml d'une huile essentielle que vous appréciez. Vous pouvez utiliser entre autres l'eucalyptus, globulus en hiver pour assainir ou la citronnelle en été pour faire fuir les moustiques. Prenez une petite fiole de vinaigre pour transporter sur vous afin de nettoyer vos lunettes. Sinon, le vinaigre pour désinfecter les surfaces alimentaires. Ça, moi, je le fais. C'est avec ça que je nettoie mes planches. Des planches à découper avec un peu de citron, du vinaigre. Moi, je mets même une petite goutte d'eau de Javel, mais vraiment pas beaucoup. Remplissez un flacon vaporisateur d'une tasse de vinaigre blanc et complétez avec de l'eau claire vaporisée directement sur les surfaces, puis nettoyez avec une éponge ou un linge. En cas d'épidémie de rhume dans la maison, ajoutez une goutte d'huile essentielle d'origan ou de tea tree ou de plein d'autres choses. Assainir la planche à découper. Remplissez le flacon vaporisateur d'une tasse de vinaigre blanc et complétez avec de l'eau claire encore. Finalement, ça vous prend juste un flacon vaporisateur avec du vinaigre et de l'eau. Vaporisez directement sur la planche et laissez agir environ une heure. Rincez abondamment. Le vinaigre est sans danger pour la nourriture. Vous devez donc le privilégier pour les surfaces en contact direct avec celle-ci. Vous pouvez ajouter de l'huile essentielle de citron qui va également agir comme fongicide. Le vinaigre peut être utilisé aussi pour blanchir le plastique. Oui, vaporiser du vinaigre pur directement sur le plastique et placez-le au soleil le plus longtemps possible. En quelques heures, le plastique aura retrouvé toute sa blancheur à utiliser également sur votre planche à découper afin de lui redonner une couleur immaculée. En quelques heures, le plastique aura retrouvé... d'un peu. OK, il faut le mettre au plastique. Vaporiser du vinaigre pour, sur le plastique, OK, pur. Donc, sur des vieux objets d'électronique, moi, j'ai plusieurs machines électroniques qui sont blanches à la base, mais ils deviennent jaunes. C'est pas long avec le temps. Ça pourrait peut-être être utilisé ici dans un cas pareil. Déboucher les canalisations, verser une tasse de bicarbonate de soude ou de sodium, puis de la petite vache, là, puis verser deux tasses de vinaigre blanc. Laisser agir quelques heures, puis tirer la chasse d'eau. Le mélange de bicarbonate et de vinaigre va nettoyer, détartrer et désodoriser, en plus de venir à bout du bouchon fermé dans les canalisations. À faire une fois par mois, simplement même en prévention. Le vinaigre blanc aussi pour adoucir le linge. Utilisez du vinaigre blanc à la place de votre adoucissant habituel. Remplissez le bac prévu pour l'adoucissant avant le lavage. Le vinaigre va dissoudre le calcaire, assainir votre linge et entretenir en plus votre machine à laver. L'odeur ne restera pas sur le linge. Vous pouvez toutefois additionner quelques gouttes d'huile essentielle de lavande directement avec le vinaigre et jamais dans le tambour de la machine à laver. Puisqu'il s'agit... Attends un peu... OK. D'essentiel directement avec le vinaigre. Ne jamais dans le tambour la machine à laver, puisqu'il s'agit d'une huile avant tout. Effectivement, moi, c'est ce que je m'aurais dit. Peut-être pas d'huile essentielle. Vous êtes mieux de mettre juste du vinaigre. Là. L'odeur n'est pas trop dangereuse. Il y a du savon aussi dans votre linge, là, dans votre laveuse. Pour faire briller l'argenterie, il suffit de déposer votre argenterie dans un bac suffisamment grand pour la recouvrir complètement de vinaigre blanc. Laissez ainsi tremper l'argent quelques minutes. Le résultat ne se fera pas attendre. Ne respirez pas ce mélange car les vapeurs de cette macération sont toxiques. Donc, argent et vinaigre, ne pas respirer, mais c'est bon pour les ustensiles. Délogez les résidus blancs sur le verre ainsi que sur le cristal. Passez un chiffon imbibé de vinaigre blanc sur vos verres et ils deviendront transparents en un rien temps. Ils sembleront brillants comme au premier jour. Pour désinfecter les jouets des enfants, le vinaigre étant avant tout pour l'alimentation, il devient un nettoyant à privilégier pour nettoyer les jouets des petits. Pulvérisez ou faites tremper les jouets dans du vinaigre, essuyez et c'est tout. N'ajoutez jamais d'huile essentielle pour laver les jouets des enfants. Certaines sont toxiques et ne doivent jamais être ingérées, donc seulement du vinaigre. Enlevez les odeurs de transpiration sur vos vêtements, faites tremper le linge dans du vinaigre, puis lavez-les à la machine. Bien, il me semble que laver le linge à la machine en partant, ça l'enlève l'odeur de transpiration, à moins que vous transpiriez puis que vous puez vraiment. Laver son four à micro-ondes. Placez un bol rempli... Ah, ça, c'est une bonne idée, mais j'ai pas de four à micro-ondes. Mais je vous le donne à vous, là. Vous placez un bol rempli de vinaigre et démarrez le four à micro-ondes durant 2 minutes. Faites bien attention en sortant le bol qui est très chaud. Il ne vous reste plus qu'à essuyer l'intérieur du four à micro-ondes avec un linge et tout est propre. Et pour parfumer votre vinaigre, placez des épluchures d'orange ou de mandarine directement dans le bidon de vinaigre et laissez-les infuser aussi longtemps que nécessaire. Personnellement, je laisse infuser jusqu'à la fin du contenant. Mais moi, c'est ce que je vais faire. C'est mieux que n'importe quelle huile essentielle. Il y a déjà des huiles essentielles dans la pelure du citron ou de l'orange ou d'un autre agrume. Même si on est dans une université, on n'est pas tous appelés à réussir de la même façon. Et ben c'est important aussi de ne pas vouloir tous être médecins et tous vouloir être professeurs. Hein? Parce qu'on a besoin de plombiers, on a besoin de garagistes, on a besoin de comptables, on a besoin de tout pour faire un monde. Alors, je vous envoie ici 5 métiers en demande qui n'exigent pas d'études universitaires. Je vous envoie ça tout de suite. Premièrement, technicien en comptabilité. Il faut un diplôme universitaire pour posséder le titre de comptable professionnel agréé. Mais les entreprises ont également un grand besoin de commis en comptabilité. Les employeurs exigent généralement un DEP en comptabilité ou un DEC en technique de comptabilité et de gestion pour ce type de poste. Ces professionnels jouent un rôle clé dans les organisations. Ils participent aux tâches liées à la comptabilité, tenue de livre, contrôle budgétaire, etc., ainsi qu'à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Les possibilités d'emploi sont nombreuses, tant dans des entreprises privées que dans la fonction publique. Technicien en comptabilité. Sinon, représentant des ventes. La vente ne se limite pas qu'au commerce de détail. On retrouve des représentants dans tous les types d'entreprises offrant des services ou des produits, qu'ils soient destinés aux consommateurs ou à d'autres entreprises. Ils sont des rouages essentiels car ils sont la voix et le visage des entreprises auprès des clients. Dans un marché où la concurrence est toujours plus forte et les attentes des consommateurs toujours plus élevées, leur rôle est d'autant plus important. La plupart des postes de représentants des ventes n'exigent aucune qualification particulière. Toutefois, il faut savoir que le métier de vendeur nécessite un éventail de compétences bien spécifiques, volonté, compétences en communication entre gens, etc. Représentant des ventes. Et ça, représentant des ventes, messieurs, mesdames, ben non, il n'y a pas d'études exigées pour ça. Hein? Aucune qualification particulière. Mais effectivement, ça prend beaucoup de charisme puis ça prend beaucoup d'entre gens. Sinon, technicien en bureautique. Les techniciens en bureautique, aussi appelés techniciens en administration ou agents d'administration dans certaines entreprises, supervisent et mettent en œuvre diverses procédures administratives. On les retrouve pratiquement dans tous les types d'entreprises, autant dans le secteur privé que public. Ne pensez pas qu'ils ne sont que des exécutants. Plusieurs deviennent des bras droits de gestionnaires, des gestionnaires, et effectuent des tâches aussi diverses que la mise sur pied d'un processus de recrutement ou l'organisation d'événements. Un DEP en secrétariat ou un DEC en technique de bureautique peut être exigé pour ce type de poste selon le niveau de responsabilité. Je vous rappelle que je suis en train de vous donner les 5 métiers en demande qui n'exigent pas d'études universitaires. Et même des fois pas d'études particulières, et puis qui sont très brillantes et puis très enrichissantes personnellement. Technicien en soutien technique. Les métiers liés au domaine des technologies et l'information sont parmi les plus demandés sur le marché du travail. Parmi eux, on retrouve des techniciens en soutien technique, des travailleurs essentiels à l'heure de l'informatisation des entreprises et des changements technologiques constants. Ceux-ci fournissent une assistance technique de première ligne aux utilisateurs éprouvant des difficultés avec le matériel informatique ou des logiciels. Ils sont recherchés dans pratiquement toutes les entreprises possédant leur propre département informatique, mais peuvent aussi travailler dans des compagnies de soutien technique indépendantes. La plupart des postes exigent des études collégiales en informatique, comme un DEC en technique informatique. Et finalement, électromécanicien ou mécanicienne industrielle. Les électromécaniciens font partie des travailleurs les plus recherchés dans les secteurs industriels et manufacturiers. Ils entretiennent et réparent différents systèmes électriques, électroniques et mécaniques, et ainsi que leurs composantes. On les retrouve principalement dans des ateliers de réparation, dans les entreprises de fabrication et dans les usines. Les employeurs exigent habituellement un DEP en électromécanique de systèmes automatisés ou un DEC en technologie de l'électronique industrielle. Mais ce métier est aussi éligible au programme d'apprentissage en milieu de travail d'Emploi Québec. Vous pourriez donc apprendre directement en travaillant grâce à la formule du compagnonnage. C'était les 5 métiers en demande qui n'exigent pas d'études universitaires. Bien important à savoir. Tiens donc, on va se faire ici un autre petit truc à New York. Oui, tiens. On s'en va parler des endroits abandonnés les plus cool de la ville de New York. Hein? Qui savait que dans la ville où le loyer mensuel moyen atteint 3 000 $ par mois, il y a beaucoup de bâtiments massifs et certaines îles entières qui ont retrouvé un état sauvage presque digne de Jurassic Park? Rendu là, on se demande s'il est mieux de se convertir en squatteur. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que si on fait simplement que regarder le premier endroit le plus cool qui est désaffecté et abandonné de New York, eh bien, je vous parle du Renwick Smallpox Hospital sur l'île de Roosevelt. adorable île résidentielle Roosevelt, désormais largement connue pour ses balades en tramway. La Roosevelt Island Tramway, reliée au métro, était autrefois occupée par quelques hôpitaux ainsi qu'une prison. À l'époque, elle portait le nom de Welfare Island. Parmi les structures restantes appartenant au passé de l'île, l'hôpital de la variole du 19e siècle, conçu par le célèbre architecte James Renwick, qui est de loin le plus pittoresque. Si vous croyez aux rumeurs surnaturelles, cet endroit est sûrement aussi le plus hanté de toute la ville. Comme le taux de mortalité y a été assez élevé, en 1975, l'hôpital a été déclaré comme un des endroits marquants de New York et des efforts ont été faits pour conserver l'espace en ruine. Il est tout à fait légal d'explorer le lieu à une certaine distance pendant la journée. Bonne chance aux aventureux de la nuit. Sinon, entre le Bronx et Riker Island, vous trouverez l'île de North Brother. Les habitants de l'hôpital de la variole de l'île Roosevelt ont été déplacés un peu plus tard vers un nouvel établissement. Sur cette petite île de l'East River, vers le milieu des années 50, l'espace a été utilisé pour traiter les jeunes délinquants toxicomanes, dont beaucoup ont été détenus de manière non volontaire. L'espace a été entièrement abandonné dans les années 60 et l'île est maintenant un réservoir pour les oiseaux sauvages. Moi, je dirais plutôt un sanctuaire pour les oiseaux sauvages. Sinon, je vous parle de la Floyd Bennett Field. Premier aéroport de la ville, la Floyd Bennett Field était à l'époque une base d'accueil pour de nombreux aviateurs célèbres, y compris Amelia Earhart. Alors que les pistes ont été fermées aux vols commerciaux depuis des décennies, vous pouvez visiter les hangars et les immeubles extérieurs, dont beaucoup en ruine, sont recouverts de graffitis. L'endroit n'est pas sans surveillance, cependant, et certaines parties sont encore en usage par le National Park Service. Et si vous visitez, vous pouvez tout à fait prétendre que vous êtes au camp Firewood. Ils vont vous laisser aller camper dans une tente. Oui, il y a aussi un hangar rempli d'anciens avions, ce qui est vraiment très, très cool. C'est le Floyd Bennett Field, premier aéroport de New York. Et finalement, on va aller vers le Lowe's sur la 46e avenue, la 46e rue. C'est le théâtre aussi. Ouvert en 1927, le Lowe's Theatre était un magnifique exemple du style de l'architecte John Eberson. Ce somptueux palais du cinéma était agrémenté d'une façade en or, ornée de sculptures en plâtre et de faux jardins à l'italienne. À la fin des années 60 et au début des années 70, l'espace a été utilisé pour des concerts de rock, mais il a été fermé en 1973. Malheureusement, cet automne, l'intérieur a commencé à être vidé. Quelques éléments architecturaux restent et vous pouvez toujours essayer de vous faufiler à l'intérieur avant que le tout soit retapé, même si nous ne recommanderions jamais de faire une chose aussi illégale. C'est bien, vous êtes bien dans le dîner de cons. On va aller tout de suite en musique. Et qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, c'est la pièce de David Bowie, Lazarus. On y va-tu avec ça? J'attends juste que le CD soit prêt. Et let's go, il veut-tu, il veut pas, on va changer de lecteur. C'est le fun quand ça fait ça. Hein? Toujours au bon moment en plus, quand on n'a pas une autre pièce de prête. Donc, on va y aller avec ça, on y va-tu? Oui, on y va avec Lazarus du charmant David Bowie qui nous a quittés la semaine dernière. Scars that can't be seen. I've like a drum can't be stolen. Everybody knows me now. Tiré de son dernier album, son album posthume, son album Black Star, je vous parle de David Bowie, c'était la pièce Lazarus. Vous êtes bien dans le dîner de cons, il est midi 22. Le langage corporel, vous connaissez? Eh bien, je vous envoie les 10 erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche. Hein? Vous êtes fin prêt pour cet entretien d'embauche. Vous avez réfléchi à toutes les questions qu'on pouvait vous poser. Votre CV est bien construit. Vous avez choisi la tenue parfaite, mais une fois devant l'employeur, c'est la catastrophe. Vous remuez, vous jouez avec votre crayon, vous vous jouez dans le nez. Eh bien oui, lors d'un entretien, le langage corporel est très important. Selon un sondage de Career Builder France, eh bien 5,37% des recruteurs savent dès les 5 premières minutes si un candidat correspond au poste. 71% des recruteurs se décident au bout de 15 minutes. Et autant dire qu'il faut faire attention à la façon dont on se présente. Voici donc ici les 10 pièges. 11 pièges, oui. 10 pièges, oui. Du langage corporel et qu'il faut éviter lors de l'entretien d'embauche. Première erreur du langage corporel, le manque de contact visuel avec le recruteur. L'autre, la mauvaise position d'être évaché, genre sur le fauteuil ou sur le divan ou avoir le dos tout courbé. L'absence de sourire, hein, ça aussi, ça marche pas pantoute à 42%. Une petite poignée de main molle là, et humide, 36%. Le fait de gigoter sur sa chaise à 35%, c'est une erreur de faire ça. Jouer avec quelque chose sur la table, hein, gosser, comme on dit en québécois. Se croiser les bras sur son torse, donc attendre. Donc à 26%, ne jamais faire ça en présence du recruteur lors d'une entrevue. Jouer avec ses cheveux ou se toucher le visage à 24%, vous allez vous tirer dans le pied. Faire trop de gestes avec vos mains à 13%. Et une poignée de main trop puissante, hein, au contraire de l'autre qui était trop molle et trop humide. Faut pas non plus exagérer en voulant faire mal à l'autre. Faut juste avoir une poignée de main ferme, tout simplement. C'était les 10 erreurs du langage corporel à faire, ou à ne pas faire, à faire attention lors d'une entrevue. Ici, bon petit dossier, assez intéressant. Et puis, on va en toucher quelques-uns. Vous espionnez un ami sur Facebook qui vous exaspère, un conjoint peut-être, une ex-conjointe, eh bien, ça s'appelle du chadenfriending. Eh bien, vous ne pouvez vous empêcher de surveiller et de critiquer cet ami que vous avez sur Facebook, mais qu'au fond, vous ne supportez pas. Bien plus complexe qu'une simple forme de jalousie, c'est ce qu'on appelle le chadenfriending. Zoom sur ce mal que l'on peine aujourd'hui à définir. Le chadenfriending est la contraction de chadenfreuden en allemand qui signifie mauvaise joie et friends, amis. C'est un phénomène qui se caractérise selon le Urban Dictionary par le besoin d'ajouter une personne à son réseau social dans le seul but de pouvoir l'espionner. Conséquence de cette pratique, son mal-être vous procure un certain soulagement, voire même peut-être un certain plaisir. Souvent, cela est le résultat d'une certaine forme de rivalité ou de haine enfouie envers quelqu'un de votre entourage. Enfin, il y avait cette fille plus grande, plus belle, svelte, sûre d'elle que vous ou celle qui sans cesse vous humiliait sans raison apparente. En grandissant et même sans avoir pourtant gardé un contact avec elle, vous décidez de l'ajouter sur les réseaux sociaux, c'est là où cela pose vraiment le problème. C'est quand votre curiosité devient quelque chose de un peu plus vicieux. Vous épiez ses moindres faits et gestes en vous persuadant que de toute façon, vous valez mieux qu'elle. Vous ne cessez de vous comparer en ne pointant que ses défauts. L'espionner devient alors une manière de vous sentir mieux dans votre peau. Je veux pas faire de sexisme, hein, et puis c'est pas, je dis pas que c'est... Mais il me semble que c'est très féminin comme comportement. Moi, j'irai pas aider quelqu'un pour le détester, non. Des fois, je vais aller voir des gens que je veux plus voir. Je vais aller voir où ils sont rendus dans leur vie, peut-être. Mais je les suivrai pas sans cesse. Je vais y aller une fois dans l'année. D'après Erin Levine, psychologue et professeure en psychiatrie à l'école de médecine de l'Université de New York, interrogée par le Grazia UK, l'envie incessante de nous comparer aux autres serait une attitude tout à fait naturelle. Elle explique que nos amis et nos connaissances peuvent nous servir de baromètre. Ils nous aident à juger et à nous définir. Certains de nos amis sont des modèles dont on essaie d'imiter le succès. Il est donc normal de se sentir jaloux quand ils semblent davantage réussir que nous. Mais il n'existe pas qu'une seule forme de chat and friending. Cet ex-ami ou cet ex-amant qui vous a fait mal, mais avec qui, malgré tout, vous voulez absolument garder contact sans vraiment savoir pourquoi, eh bien, ce l'est aussi du chat and friending. Ça, je pense que tout le monde à peu près sur la planète l'a déjà fait. Hein? Allez voir où est rendu l'ex à quelque part, hein? Pour vrai. C'est comme tout à fait naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'être maladivement accro à vouloir savoir ce que l'autre fait, puis de vouloir d'être jaloux de ça, et puis que ça vous dérange dans votre vie. C'est là que le mal blesse, finalement. Oui. 10 choses que les couples ne devraient jamais partager sur Facebook, hein? Ce que les couples ici ne devraient jamais partager sur Facebook, entre autres des messages sirupeux au sujet de votre douce moitié, plutôt que de vanter les mérites de votre conjoint ou conjointe sur Internet, complimentez-le donc directement. Peut-être n'est-il pas friand des déclarations d'amour public. Eh bien, franchement, ce genre de message n'intéresse guère vos amis Facebook. Ça, c'est clair. Autre truc à ne pas partager, hein, partager des photos sans la permission de votre conjoint-conjointe. Vous n'avez pas à partager toutes les photos de votre dernière soirée, surtout sur lesquelles vous n'êtes pas à votre meilleur. Assurez-vous de toujours avoir l'autorisation de votre conjoint avant de partager une photo de lui sur Facebook. Encore un bon petit conseil de psychologue. Et puis, je dirais, c'est la même chose pour des amis, hein. Si c'est vos vrais amis, peut-être qu'on n'est pas obligé de partager tout. Moi, je l'ai déjà dit à mes amis, ça n'a pas été long au début de Facebook. Il y avait du monde le lendemain d'un party. Je voyais les photos arriver. Moi, tout de suite, j'ai fait « Non, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai pas le goût de me retrouver la face défaite sur mon Facebook. » Même si, oui, j'avais la face défaite hier. Je suis pas obligé d'avoir ça comme image pour le restant de la vie. Autre truc à ne pas partager, hein, les couples, ne partagez pas ces messages taquins sur les défauts de votre conjoint. Peu importe le bien fondé de vos intentions, quand vous écrivez au sujet des ratés et des défauts de votre conjoint-conjointe sur les médias sociaux, ces publications peuvent être prises en dehors de leur contexte et atteindre beaucoup plus de gens que vous ne l'auriez souhaité. Effectivement, on garde ça dans chambre à coucher, comme on dit. Des messages nébuleux à propos de vos agissements, à propos des agissements de votre conjoint. Eh non, voyons donc. L'experte en relations de couple, Brenda De La Casa, conseille d'avoir la tête froide avant de publier ce genre de message ou toute autre plainte de comportement discutable de la part de votre conjoint sur Facebook. Les choses peuvent rapidement déraper lorsque Internet s'en mêle. Hein? Comment de fois aussi une discussion avec un ami ou avec un conjoint-conjointe vire au vinaigre simplement par une erreur de ponctuation ou simplement par une erreur par manque, mauvais contexte, simplement répéter une phrase, etc. Ça peut venir compliquer les choses qui n'en avaient pas besoin. Hein? Les couples ne devraient jamais partager sur les réseaux sociaux des photos soulignant exagérément la beauté de votre conjoint-conjointe. C'est bien que vous pensiez avoir mis la main sur le plus beau spécimen qui soit, mais trop l'afficher peut se retourner contre vous. Ce genre de publication laisse souvent une impression de superficialité. De plus, votre conjoint ne désire pas forcément que certaines photos puissent être vues par sa mère ou le reste de sa famille. Hein? Bien sûr. Faut pas partager ces attaques plus ou moins subtiles contre l'ex de votre conjoint. Même chose, hein. Si vous ne supportez pas que votre conjoint soit toujours ami avec son ex, discutez-en avec lui. Passer des commentaires passifs, agressifs à son propos sur Facebook n'aidera aucunement votre cause, explique l'experte en relations de couple Neely Steinberg. Gardez ces sujets pour vous deux uniquement. Cela ne concerne que votre couple, personne d'autre. Gardez aussi les détails entourant vos disputes. Hein? Gardez vos différends pour vous, votre thérapeute et vos amis proches, conseille la thérapeute Christy Wyke. Vous n'avez pas à raconter vos disputes en détail sur les réseaux sociaux. La planète entière n'a pas à savoir ce qui se passe entre vous et votre conjoint et ce qui vous énerve chez ce dernier ou cette dernière. Hein? C'est clair. De sages conseils, hein? Gardez aussi ces messages coquins adressés uniquement à votre conjoint. Un message du genre « J'ai hâte que tu sois à la maison », c'est parfait pour un message texte, mais pour une publication Facebook, ne publiez rien concernant votre vie sexuelle, conseille une autre psychologue, Samantha Rodman, surtout si vous avez des membres de votre famille dans vos contacts, hein? Eh bien oui. Gardez aussi pour vous ces commentaires passifs-agressifs au sujet de votre belle famille. Et ça, oui, hein, parce que ça va se retourner contre vous. N'utilisez pas vos amis pour vous plaindre des membres de votre belle famille. Si vous voulez leur en parler, faites-le en privé. Même si vous empêchez les personnes concernées de voir le message en question, il y a de fortes chances qu'ils découvrent la vérité tôt ou tard. Effectivement. Et finalement aussi, gardez tous ces trucs dans votre couple, hein, ces niaiseries, comme un rappel d'acheter du pain ou du lait sur le chemin du retour. Ben, tu peux lui dire, mais par Messenger, tu fais pas ça sur sa page. Hein, si vous utilisez Facebook pour rappeler une tâche à votre conjoint ou pour savoir si c'est votre tour d'aller chercher les enfants à la garderie, il est peut-être temps de vous déconnecter pendant un moment et de penser comment vous pouvez gérer votre vie quotidienne sans Internet. Bonne résolution. Hein? C'était les 10 choses à ne pas partager avec tout le monde. Gardez ça, comme on dit, dans la chambre à coucher avec votre conjoint, conjointe ou vos amis proches. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous étiez avec nous la semaine passée, on a accueilli un nouveau chroniqueur et il est toujours avec nous, donc déjà, il a survécu à sa première chronique. Mm-hmm. C'est quand même le fun. C'est Jimmy Thibodeau. Oui, Jimmy. Bonjour. Allô. Content de vous voir. Ben, c'est fun de t'avoir avec nous pour C'est dans le monde que ça se passe. Mm-hmm. Chronique sur l'actualité internationale, un petit peu, je dirais, underground, alternative, qui passe sous le radar. Tout à fait. Et aujourd'hui, je vous parle d'une question éthique un peu difficile, fait que attachez bien vos ceintures, là, ça va être... Vous allez vous creuser les ménages un peu. Si je me serre la ceinture, je vais me sentir pogné en maudit. Mais bon. Bon, vas-y, pas trop serré, Mathieu. Okay. Je manque de trous. En tout cas, si on ne réglera pas la question ce matin, ben au moins, j'aurai introduit tout le monde sur le sujet, puis vous n'allez pas y penser encore à soir ou demain. J'utilise pas le mot introduit quand je viens de dire que je manquais de trous. On parle, oui, de... Je savais qu'elle allait la caler, en plus. Ça s'en venait, hein? Ouais. Ça s'en venait, tu sais, je suis le même. Je suis prévisible. Bref, oui, on parle d'un sujet qui, au Québec, en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler au Québec. J'ai entendu je pense pas, aux ouais. États-Unis, ouais. Je pense, mais tu sais, comme au Québec, on l'a tout le temps 5-6 ans en retard, tu vois, il est tellement à l'avant-garde qu'il en parle là. C'est, ouais, ça. C'est ça. Alors que ça vient d'arriver. Mais bon, on en a parlé un peu d'un des cas que je vais vous parler, là, mais pour le reste, vraiment pas trop. Fait que vous allez voir pas mal de nouvelles underground, là, comme tu dis. Mais pour commencer, mettons, le sujet, je partirais du transgendérisme. Oui. Bon, le transgendérisme, ça, c'est tout ce qui regroupe les transgenres, ceux qui veulent passer d'un genre à un autre, ou qui veulent être les deux genres, qui s'identifient pas. Ils veulent pas être balisés par les normes conventionnelles. Ou t'as les transsexuels aussi dans le transgendérisme. C'est, bon, les transgenres, eux, ils changent de genre seulement, mais les transsexuels, bon, changent aussi de sexe en même temps. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que eux, là, dans le transgendérisme, ça, c'est tout à fait accepté aujourd'hui dans notre société. Mais en tout cas, il y a des préjugés encore, là. Oui, mais, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, ces gens-là, ils dîneraient pas à ma table. Fait que... Les gens qui sont contre, pas les transgenres. Qui sont contre. Non, c'est ça, pas les transgenres, soyons clairs. Fais des phrases, là. Non, c'est ça. Mais bon, on a le transgendérisme, mais ce qu'on parle beaucoup moins, c'est le transracialisme. Ça, c'est un sujet complètement controversé aujourd'hui. Oui. Dans le fond, le transracialisme, c'est un peu le même principe que le transgendérisme. C'est de ne pas pouvoir s'identifier à son ethnie d'origine, puis vouloir plutôt être soit entre deux ethnies ou encore passer d'une ethnie à une autre carrément. Donc ça, dans l'abstrait, on peut se dire, bon, c'est un peu dans le même principe que le transgendérisme, ça pourrait être correct. Mais d'un autre côté, historiquement, on a eu beaucoup de déguisements raciaux, surtout au 19e puis au 20e. Mm-hmm. Aujourd'hui, on considère ça comme offensant, caricatural. Oui, le blackface. Le blackface, je m'en allais vers ça d'ailleurs. Les vedettes en font sur Instagram puis se font lancer des roches à outrance, puis c'est normal. Tout à fait. Alors non, mais on voyait des pièces de théâtre au 19e puis au début du 20e, là, c'était vraiment c'était caricatural, stéréotypé. Puis on pouvait comprendre pourquoi c'était offensant en même temps. Des gens qui se maquillaient pour paraître noirs, puis en tout cas, bref. Et même les dessins animés pour enfants qu'on voit encore aujourd'hui, des fois sont censurés, mais d'autres fois, mm-hmm. on voit les personnages avec des grosses lèvres, oui. Le visage complètement noir. C'est caricatural, puis c'est pas acceptable. On pensera à Tintin au Congo là-dessus. Ben, c'est ça, je m'en avais dit tellement. Vrai. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, on a des arguments un petit peu contre le transgendérisme. Bon, le contexte historique. le fait que ça peut véhiculer des stéréotypes. Puis en même temps aussi, il y a la question, est-ce qu'on veut vraiment créer des genres distincts, des races distinctes, un peu comme on fait des genres distincts dans le transgenderisme? Est-ce qu'il y a un parallèle vraiment correct à faire, légitime? Alors là, c'est des questions contre. Mais dans l'abstrait aussi, on peut se dire, c'est la liberté de choix des gens. Il faut respecter ça. La culture, les cultures différentes, ça existe. Les ethnies différentes, ça existe. On a le droit d'avoir une identité ethnique propre puis de changer d'un à l'autre. On peut dire ça. On peut dire que c'est la même chose que le transgendérisme. Mais je me demande si c'est la même chose tant que ça. Je veux pas te couper dans tes phrases te faire perdre tes idées. Mm-hmm. Mais mettons transgenre... que tu sois pas né avec l'appareil, mettons, que de ton vouloir, genre attitré, mettons, si on veut. Je pense que psychologiquement, ça s'explique de façon scientifique, j'imagine. Ouais. Alors que de vouloir être d'une autre race, en tant que tel, tout le monde vient de la même place à la base, comme avec des sous-divisions. Est-ce que ça serait plus ou moins perçu à cause de la culture de ces ethnies-là? En fait, moi, j'ai l'impression que la question est devenue beaucoup plus compliquée maintenant, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on fait la distinction entre genre et sexe dans le transgendérisme. Le sexe, c'est une chose. On est avec un sexe ou l'autre, ou des fois les deux, ça arrive. Oui, mais ça, c'est biologique, c'est séparé du genre, qui est complètement culturel, un peu comme l'identité ethnique. Donc, les deux commencent à se ressembler un peu. Donc, c'est pour ça que la question se pose beaucoup. Ouais. Et on peut se dire aussi, les transracialistes, pourquoi pas, tu sais, parce que s'ils peuvent se sentir mieux comme ça, un peu comme les transgenres, donc il y a ça aussi. Oui, puis en même temps, as-tu besoin de te dire d'une certaine race? Est-ce que tu peux juste vivre ta vie sans avoir à dire, genre, je suis Mexicain? Ça, c'est une très bonne question. Puis encore une fois, on peut se demander si c'est la même c'est la même chose pour le transgenre. Ben oui, parce que le troisième genre, tu sais, qu'on veut de plus en plus amener dans les médias, il y a le MX, entre autres, pour c'est ni monsieur ni madame, c'est un MX. OK. Ouais. T'as des trucs comme ça, il y a de plus en plus de mots pour ça, puis là, on voit tout le temps sur Internet que les Navajos, je sais pas trop quoi, Amérindiens, ont comme quatre genres. En tout cas, on voit que c'est vraiment très controversé. Oui. Et au plan abstrait, certains peuvent être pour le transracialisme, mais quand on arrive dans le concret, on se rend compte que c'est vraiment très, très, très compliqué. Puis pour ça, j'ai trois cas à vous expliquer, à vous montrer aujourd'hui, puis ça va peut-être vous aider à faire une tête. Oui. Okay. Le premier, c'est le cas de... le plus fameux cas là, que vous avez peut-être sûrement entendu parler, en fait. Le cas de Rachel Dolezal, une militante pour le droit des personnes de couleur aux États-Unis. Puis elle, c'était la présidente du National Association for the Advancement of Colored People. Puis elle était présidente jusqu'en 2015, jusqu'au moment où, dans le fond, ses parents blancs l'ont dénoncé parce qu'elle, en fait, elle se faisait passer pour une afro-américaine. Et c'était la présidente de la Ligue pour aider les, personnes les couleur. Les arts de couleur. Oui, tout à fait. Et puis, elle a démissionné, évidemment. Mais l'association pour laquelle elle travaille a quand même fait une sortie publique pour la soutenir. Donc, ça, c'est un détail important. Parce qu'elle a aidé la cause quand même. Ça enlève rien. Oui, c'est ça. Veux, veux pas. D'autres personnes, par exemple, pensent le contraire. Disent qu'avec le scandale qui a éclaté, ça l'a pas aidé, au contraire. Mais ça, c'est aussi une question controversée. Ouais. Mais chose certaine, dans les médias, dans le monde, tout le monde l'a vraiment bâché. C'était quand même quelque chose d'incroyable. On parlait de vol culturel, de fraude... Parce que c'est ça, il faut quand même le dire que tu t'appropries quand même l'histoire d'un peuple au complet que t'as pas vécu du tout. Ouais. T'as pas eu la persécution, t'as pas eu le gros racisme intense. C'est vrai, mais mettons, si tu prends une transgenre, donc un homme qui veut devenir une femme, est-ce qu'il s'approprie l'identité culturelle des femmes, leur histoire, le fait qu'ils ont été une minorité pendant tellement longtemps? Tout à fait. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai introduit le transgendérisme au début, parce que il y a des... Points de ressemblance. Il y a des points de ressemblance, puis soit il faut faire la distinction claire entre les deux, ou soit il faut en venir à la conclusion que le transracialisme, finalement, c'est pas aussi mauvais qu'on le pense. J'ai pas pensé au fait que si tu trouves que l'un est correct, l'autre devrait être correct aussi. J'ai pas pensé à ça. Ou en tout cas, faire la distinction entre les deux. Si tu penses que c'est pas pareil, il faut encore que tu le démontres. Oui, c'est ça. Puis expliquez-nous la différence. Oui, surtout. Exactement. Alors, moi, je la vois pas, là. Et deuxième cas, super intéressant, c'est le cas d'une journaliste britannique. Elle, dans le fond, Elle s'est prise en photo, tout simplement. Puis bon, elle a des traces blanches aussi. Et là, elle a comme fait par Photoshop des photos d'elle-même, mais noires avec différents apparats de africains. Okay, ouais. Oui. Puis elle, dans le fond, elle voulait pas faire ça d'une manière méchante. Là. Elle voulait juste montrer, dans le fond, que peu importe notre couleur et tout, peu importe d'où on vient, on est tous pareils. C'est un hommage. Ouais. Ouais. Mais c'est qu'en plus, on voit dans les articles qui en parlent, les photos dont elle s'est inspirée, c'est très, très. C'est vraiment des Africains. Ouais, ouais. Donc, tu vois côte à côte, elle déguisée en Africain et l'Africain à côté. C'est comme pourquoi t'as pas juste publié les photos des Africains à la place ouais, de tes photos. Ouais, c'est ça, au lieu de te publier. C'est ça. C'est quand même. Ben, voilà, on peut questionner le truc, mais encore là, est-ce que c'est vraiment moral de faire ça ou est-ce que ça ne l'est pas du tout? Pourquoi c'est offensant? Bon, encore là, on a peu de le background historique. On peut invoquer ça. Mais c'est pas clair. C'est pas clair, comme j'ai dit. Et troisième cas, pour vous aider à réfléchir sur la question. On parle beaucoup des Blancs qui veulent soit se transformer ou en tout cas se faire passer pour des Noirs. Mm-hmm. On a aussi l'inverse. Ah. Surtout en Afrique. Oui. Ah, mais ouais. C'est un phénomène. Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une maladie, attention. Il y a Michael Jackson, mais ça, c'est une autre affaire. C'était là. Une maladie, je pense. Ben, je pense plus que ça en soit. Ouais, il me semble que ça l'était pas. Je pense qu'il est mort. Non, c'était pas ça? Oui, mais, il me semble que oui. Mais tu vois, ça, c'est largement accepté, Michael Jackson. Mais c'était pour pas du vitiligo, de... genre? Non, Michael Jackson a décidé de devenir blanc. Ah, renseigne-toi avant d'accuser. Je m'en vais là. On va continuer de parler. Ouais. Bref, dernier sujet. Le cas de, en Afrique, très, très... c'est vraiment majeur, là. Surtout des femmes et même des hommes qui se blanchissent la peau. Au javelisant? Entre autres. OK. Entre wow. autres. Ils prennent... Ben en fait, comment ça a été découvert, cette technique de dépigmentation de la peau? Ça a été découvert avec un produit dérivé pour la peinture et l'huile. Okay. Puis ça, c'est des gens qui travaillaient sur des chantiers. Là, ils ont... Tout à fait safe, hein? C'est clairement oui, ben safe. Oui. Puis là, ils ont remarqué que quand ils en tombent sur leur peau, ça fait comme une dépigmentation. Fait que là, il y a des gens qui ont décidé d'utiliser ça. Puis aujourd'hui, la pratique devient de plus en plus courante et de plus en plus de méthodes, tout aussi dangereuses les unes que les c'est autres. Ça. Oui. Ça fait pas des spots toujours, genre à chaque place où tu fais des points. Fais des ça spots. A plein de complications de santé. Ah, et ça, je vais peut-être pouvoir vous en parler tantôt. Et le phénomène est majeur. En tout cas, en Afrique, c'est 70%. Parmi ceux qui se dépigmentent la peau, 70% sont des femmes et 30% sont des hommes. Il y a cette première statistique-là. Et dans plusieurs pays, on a des statistiques. Donc, par exemple, à Lomé, dans le pays du Togo, 59% des gens se blanchissent la peau. Au Burkina Faso, dans une certaine ville, c'est 44,3%. Ils peuvent le faire de façon plus légère. Ouais. J'imagine qu'il y a des façons un peu moins dramatiques que ce que tu as dit tantôt. Ben, en fait, pas vraiment. Non, OK, non. Bon, ça me rassure même pas. Puis 67%, par exemple, aussi des femmes sénégalaises, en 1999, se sont blanchies la peau également. C'est donc bien triste. Ouais. Et les complications pour la santé, comme j'ai dit, c'est incroyable. Des fois, ça fait comme des spots. Ouais. Des fois, évidemment, c'est cancérigène. Ça peut provoquer des douleurs intenses. Mais au moins, t'es presque blanc. T'sais. Ouais. Non, c'est quoi ça? Mais puis en plus, on instinctivement, on dira pas, ben c'est correct, parce que on a comme l'impression que c'est un vestige du colonialisme, puis que c'est des gens qui sont pas comme capables d'assumer leur origine. Et qui ont comme besoin de se faire passer pour plus blanc pour le prestige. Puis on peut trouver ça désolant. Puis en même temps, si on est pour le transracialisme, il faut bien se dire, ben c'est leur droit dans le fond. Est-ce que si c'est leur volonté, est-ce qu'il faut pas la respecter? S'ils peuvent se sentir mieux de même avec la peau blanche, je veux dire. Fait que vraiment. T'es encourageant là. T'es encourageant pour tout le monde. Tout le monde est correct là. Mais non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train d'ouvrir le débat. On peut se le demander, c'est ça, j'avoue. C'est ça. Je pose la question. Parce que le transracialisme, à l'heure actuelle, a mauvaise presse. Mais quand on le met en parallèle avec le transgendérisme, par exemple, là, ça devient très compliqué comme question. Puis il y a beaucoup de travail éthique à faire là-dessus. C'est clair. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir un documentaire à Art TV comme sur le transgendérisme? Je pense pas, malheureusement. Pas bientôt, peut-être dans 10 ans. Là. Ouais, c'est ça. On a du retard, nous. Exactement. Souviens-toi. As-tu trouvé sur Michael Jackson? Oui. Est-ce que c'était du vitiligo? Il souffrait, en effet, de vitiligo, mais... Hein? Mais? Quoi? Il a décidé de devenir entièrement blanc. OK, tant qu'à avoir des taches blanches, il s'est dit « je vais devenir entièrement blanc ». Donc, c'est son dermatologue et lui qui ont pris la décision de devenir entièrement blanc pour ne pas avoir à vivre avec des taches. Tu vois, ça fait qu'on avait les deux raisons. Hein? C'était un compromis entre les deux, mais... C'est un compromis entre les deux, c'est un troisième genre. Ouais, je pourrais peut-être pas dire ça comme mais ça, mais... Fais des parallèles. Fait que, mais c'est sûr, Michael Jackson, dans son cas, c'est intéressant, le fait qu'il passe d'une ethnie à l'autre, si on veut, en gros guillemets, là, parce que la situation est plus compliquée. Et c'était très graduel aussi. Mais il s'est jamais caché qu'il était noir originalement. Non, non. Il l'a toujours dit, par contre. C'est dur de se cacher quand ta famille au complet est noire. Ouais. Ou quand t'étais noir sur le cover d'un album. Là, aussi, genre. Là, c'est comme... Tu sais, mettons Rachel Dolezal, truc patente. Tu sais, elle a commencé quand même assez vieille à changer de genre. Est-ce que si tu changes plus tôt, est-ce que c'est plus accepté? Est-ce que parce que t'as passé la majorité de ta vie comme ça? Tu sais, comme qu'est-ce qu'elle disait à sa famille dans les parties de Noël? Parce qu'en tant que telle, elle avait pas l'air... Ceux qui ont vu des entrevues avec elle, elle avait pas l'air physiquement tout à fait de quelqu'un qui est 100% noir. Elle avait l'air un petit peu mulâtre, mélangé, okay. Du côté pâle un peu pas mal, je trouve. OK. Tout ce qu'elle faisait, c'est que pour les... Comme un trop-plein d'autobronzant, mettons. Ben, genre, ça ressemble à quelqu'un de blanc qui a de l'autobronzant plus que quelqu'un de noir pâle, mettons. OK. T'sais. Mais elle se faisait faire une permanente de cheveux. Ah! Je sais pas s'il y a d'autres sortes de permanentes, mais bon, je précise. permanente de cheveux, ouais, c'est pas mal ça. Ah, mais bref, donc un petit peu cheveux style plus sec un peu, ouais. plus torsadé, si on. Donc sûrement que lors des parties de Noël, elle faisait juste soit mettre un chapeau ou ben, ouais. ou ben laisser tomber sa permanente quelques mois avant. Je sais pas. Tu sais comme sa tante, il demandait, puis qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie maintenant? Ça, c'est dur de dire que c'est toi qui milites pour les gens de couleur. Mais probablement qu'elle a changé sa façon de parler aussi, parce que faut que tu t'adaptes à ton public. Ben, peut-être aussi qu'elle a coupé les liens avec sa famille complètement aussi. Peut-être, vu que c'est ses parents qui l'ont dénoncé. Ça me dit quelque chose, je pense que c'est encore plus ça, il me semble que j'avais ouais, vu quelque chose là-dedans. Parce que moi, je trouve que le fait que tu te fasses dénoncer par tes parents, puis que tu fasses comme détruire ta carrière par eux autres, ça donne des malaises au souper de famille, je dirais. Mettons. Ouais j'avoue. C'est bon. Vrai. Et voilà. C'est un sujet fascinant. Quand même, n'est-ce pas? Vraiment, absolument. On se retrouve la semaine prochaine? Tout à fait, avec un autre sujet aussi troublant, je l'espère. J'espère aussi, parce que si t'amènes des sujets comme ça à chaque semaine, on ne te laissera pas partir si facilement. Bon, ben c'est bon. Jimmy Thibodeau, c'est dans le monde que ça se passe. En effet, ça s'est passé dans le monde. Oui. Ton voilà. titre est assez large. Pas si loin de chez nous, mais dans le monde. Il s'est trouvé un titre qui pouvait faire absolument n'importe quoi dans ses chroniques. Ouais, exactement. Ben, c'est ça qu'on aime. Jimmy Thibodeau, toutes les semaines, les mardis à 8h. Merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Un vrai héros de notre ville qu'on appelle Assemblage Requis. Donc voici The Town Heroes et Constellations. Hein, je te fais-tu des liens noirs? Quel lien de feu! J'essaye même pas, en fait. C'est juste pour le mot pis le dire. Allez, c'est Assemblage Requis jusqu'à 20h. Off your cheek as you neared. I want. The Town Heroes avec Constellations. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. C'est un homme qui commande un appareil photo en ligne. Mais ce qu'il va recevoir, eh bien, le fait assez enragé. On peut comprendre pourquoi. Donc, c'est un internaute qui a passé une commande sur le site de Samsung qui a vu rouge lorsqu'il a reçu le colis censé contenir son nouvel appareil photo. Le malheureux client a donc raconté sa mésaventure sur Reddit avec photo à l'appui et il n'est pas content. On découvre d'abord le fameux colis avec un papier journal protégeant la boîte de l'appareil. Jusque-là, rien d'anormal. Une fois retiré, l'homme saisit sa commande, mais le contenant paraît un peu trop léger. Il semble comme vide. Et pour cause, la boîte est justement vide. Et ce n'est pas tout. La personne qui est à l'origine de cette plaisanterie a même dessiné un pénis sur patte à l'intérieur du carton. Ben oui. Puis il y a un pénis qui t'envoie à peu près comme « va chier, fuck all ». Donc, très remonté, l'internaute a copieusement insulté Samsung et UPS, le transporteur de son paquet, et le Mirror rapporte l'histoire a tenté d'obtenir des explications des deux entreprises, mais sans réponse pour le moment. Donc, une histoire à suivre, on laisse ça dans les dossiers, là. On veut plus d'histoires un peu plus tard. Sûrement, on aura des nouvelles là-dessus. Avez-vous déjà vu un singe obèse? Ben moi, avant ce matin, non. J'en avais déjà vu des plus gros. Mais là, un vrai de vrai obèse... Disons que si le ministre Barrette avait pas pris sa cure d'amincissement, là, j'aurais pu l'appeler le ministre Barrette. Sur le bord d'une route en Thaïlande, un touriste a fait la rencontre d'un singe au physique assez atypique, tranquillement assis sur le bas-côté. Moi, je dirais, il n'y a pas le choix d'être tranquillement assis. Il doit avoir assez de difficultés à marcher. Le primate obèse se délecte en mangeant des haricots. Quel gourmand! Allez voir ça, une vidéo bien sympathique, même si c'est de l'inutile au plus haut point. Oui, OK, une belle photo ici. Une dame cherche quelqu'un pour se déguiser en chat et dormir à ses pieds. Là, vous avez bien compris, donc l'offre a été postée le 10 janvier sur le site de petites annonces australiennes Gumtree, hein, c'est l'équivalent d'un Kijiji, et passerait pour une très bonne plaisanterie si son auteur ne précisait pas que tout cela est sérieux. C'est cette certaine Sophie qui a rédigé le texte et elle est donc à la recherche d'une personne qui se déguiserait en chat et viendrait dormir à ses pieds au fond de son lit. Marcher à quatre pattes, boire du lait, manger du thon et ronronner sont les principales missions qui attendent celui ou celle qui décrochera le poste. Nous avons donc l'annonce qui a été traduite. Je vous la lis. C'est pas des jokes, là, c'est l'annonce réelle. Donc, c'est « Salut, je tiens à préciser que cette annonce n'est pas une blague et que toutes les réponses farfelues seront supprimées. Si jamais vous voulez vous faire de l'argent et en plus, vous n'avez pas spécialement d'expérience de travail, cette annonce pourrait être pour vous. Je cherche quelqu'un pour se recroqueviller au fond de mon lit et ronronner doucement comme un petit chat pendant que je dors. J'ai du mal à dormir et je pense que ce serait rassurant de m'endormir au son d'un ronronnement, mais aussi d'avoir quelqu'un qui garde un œil sur moi pendant que je dors. J'apprécierais également si vous pouviez arriver dans un vrai costume de chat et entrer chez moi à quatre pattes. J'ai toujours trouvé réconfortant d'avoir un chat, mais je n'ai juste pas le temps de m'occuper de lui ou de le nourrir. Je suis prête à payer jusqu'à 60$ pour combien de temps, là? Pour quelqu'un qui saurait faire un ronronnement relaxant, réaliste, et peut-être de 35 à 40$ si vous n'êtes, disons, pas le meilleur. Mais 60 ou 30 ou 40$, c'est quoi? De l'heure? De la journée? En tout cas, le temps de travail variera et je suis vraiment à la recherche d'un ou une ou deux personnes qui se relaieraient. Je pense que le candidat idéal devrait être capable de faire trois nuits. Entre 23h et 6h. Je vous fournirai le bol de lait et une écuelle de thon si vous avez faim ou soif durant la nuit. Je préférerais que vous ne mangiez et ne buviez pas pendant que je suis toujours réveillé. Je trouve cela très dérangeant. Vous pouvez bien sûr utiliser ma salle de bain, mais seulement 2 heures après que je me sois endormi pour être sûr que je ne vais pas me réveiller soudainement et trouver la chambre vide. C'est une annonce qui est réelle. Alors, faites-vous votre idée. Peut-être que vous avez trouvé l'emploi de vos rêves ici. Mais c'est assez what the fuck du jour. On peut pas dire autrement. Ouf. Ici, au lit, un homme est atteint par des projectiles qui ont traversé le mur de sa demeure. Et non, il habite pas à Beyrouth. Ça s'est passé à Ottawa. Un père de famille a été atteint par des projectiles qui ont traversé le mur de sa chambre. Selon la police, il a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Peu après minuit, les services d'urgence ont été appelés dans un immeuble de la rue Innes, après qu'une famille a eu entendu des coups de feu. Sur place, les policiers ont constaté que le père de famille avait été atteint à une jambe. Ils ont découvert également que les tirs provenaient de l'extérieur de l'édifice et que l'homme avait été blessé pendant son sommeil. Il a été transporté à l'hôpital où il est resté pour quelques heures avant de recevoir son congé. Les enquêteurs ont trouvé des trous dans le mur de l'immeuble et des douilles sur le sol à l'extérieur. Vendredi, c'est l'unité spécialisée dans les gangs de rue et les armes à feu qui a été sollicitée. Qui ont sollicité l'aide du public pour faire avancer l'enquête, demandant à toute personne ayant des informations sur cette affaire de lui faire parvenir. Assez particulier quand même. Une Canadienne tente d'entrer aux États-Unis avec 60 000 $ de cannabis. Premièrement, traverser avec du cannabis aux douanes, moi, je trouve qu'il ne faut vraiment pas être brillant. Et puis, il me semble qu'aux États-Unis, en ce moment, c'est plus facile qu'au Canada. Les lois sont plus simples en ce moment aux États-Unis. Bien, ça dépend dans quels États, on s'entend. Il y en a que c'est encore la peine de mort, presque, là. Mais dans certains autres États, c'est la vente à tous les coins de rue ou dans tous les bons dépanneurs, ou presque. En tout cas, ça s'est passé à Lewiston, dans l'État de New York. Une Canadienne donc a été arrêtée mercredi à la frontière américaine pour avoir apparemment tenté d'entrer aux États-Unis avec 60 000 $ de cannabis caché dans une table de Babyfoot. Miranda Ferron, 33 ans, de St. Catharines, s'est présentée vers midi à la frontière qui sépare Queenston, en Ontario, de Lewiston, dans l'État de New York. Elle a dit à un douanier qu'elle se rendait aux États-Unis pour acheter des billets de la populaire loterie Powerball, son histoire comportant des incohérences, eh bien, l'agent a décidé de la soumettre à un second examen. C'est ce qui a été indiqué par les services des douanes et de la protection des frontières américaines. Un chien détecteur a ensuite réagi en reniflant la table de Babyfoot qu'elle transportait à l'arrière de son camion. Une fouille de la table en question a mené à la découverte de 50 sacs scellés sous vide contenant 55 kg de cannabis. Le cannabis a été saisi et Miranda Ferron a été arrêtée par la police de l'État de New York. Détenue dans la prison de Niagara County, elle fait face à une accusation de possession de drogue et la cour a établi sa caution pour remise en liberté à la modique somme de 25 000 $. Les policiers du poste de Buffalo Field ont fait 387 saisies en 2015, simplement comme ça pour vos informations. Un homme vole pour 1500 $ de gomme à mâcher. Ça s'est passé à Markham, en Ontario. La police régionale de York, en Ontario, est pourtant à la recherche d'un homme qui a volé pour une valeur de 1500 $ en gomme à mâcher dans une pharmacie. Selon la police, l'homme âgé entre 40 et 50 ans est entré dans la pharmacie située à Markham le 17 décembre dernier et a ouvert un sac à ordures. Il a ensuite rempli de gomme pour ensuite quitter le commerce. Quelques mois plus tard, il est retourné à la pharmacie et a ouvert un autre sac à ordures, l'a rempli à nouveau de gomme à mâcher et a quitté le commerce. OK. Les images prises par des caméras de vidéosurveillance sont éloquentes à cet égard. Tout indique que l'homme a déposé les deux sacs dans un taxi qui l'attendait et a pris la fuite. Il a pu faire son manège comme ça deux fois sans problème. OK, n'a pas de problème. On va s'envoyer tout de suite une petite pause musicale. Ce que je vous propose, eh bien, ce sont les trois accords. J'épile ton nom qu'on écoute à l'instant. Là où je t'avais vu la première fois. Les trois accords, J'épile ton nom, tiré de leur dernier album, Joie d'être gay. Vous êtes bien en dîner de con et on continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Une dame s'allonge nue au musée d'Orsay. Non, mais elle fait ça comme ça. Non, non, c'est une artiste qui a été arrêtée pour exhibitionniste. Donc, exhibitionnisme. Une artiste luxembourgeoise qui s'est allongée nue samedi devant l'Olympia de Manet au musée d'Orsay à Paris pour reproduire l'œuvre sous les yeux des visiteurs a été arrêtée et placée en garde à vue pour exhibition sexuelle. C'est ce qu'on a appris dimanche de sources concordantes. La garde à vue de Déborah Robertis se poursuit dimanche après une interruption dans la nuit pour raisons médicales, selon son avocat Twifik Benzenoun. Vraiment? Donc, Bouzenoun, quelque chose du genre. Samedi après-midi, donc, alors que le public profitait des derniers jours de l'exposition Splendeur et misère, image de la prostitution de 1850 à 1910, l'artiste s'est dénudé et allongée dans la même position que la jeune femme sur le célèbre tableau d'Édouard Manet. Elle portait une caméra portative pour pouvoir filmer la réaction du public. Il s'agissait là d'une performance artistique, a ajouté Maître Bouzenoun. Mais c'est vraiment ça, B-O-U-Z-E-N-O-U-N, Bouzenoun. Ben oui, hein, il y a le nom tout désigné. il y avait beaucoup de monde devant le tableau. Les agents ont bien réagi. Ils ont fermé la salle, lui ont demandé de se réhabiller. Comme elle a refusé, la police a été appelée et l'a amenée. C'est ce qu'a expliqué une porte-parole du musée d'Orsay qui a porté plainte pour exhibition sexuelle. Des sources policières et judiciaires ont confirmé son placement en garde à vue. Déborah de Robertis, donc, n'en est pas à son premier coup. En mai 2014, toujours au musée d'Orsay, elle avait exposé son sexe devant la pièce L'origine du monde de Gustave Courbet. Hein. On le sait, c'est la toile qui fait capoter Facebook, genre. Le musée avait déjà porté plainte, c'est ce qu'a indiqué la porte-parole. L'avocat de l'artiste a dénoncé une mesure disproportionnée. Mettre un artiste en garde à vue, c'est un très mauvais signal, a-t-il protesté. Cette mesure de contrainte, qui est l'expression d'une pudibonderie judiciaire inquiétante, s'adresse à tous les artistes performeurs qui souhaitent s'exprimer de manière trop libre dans l'espace public, a ajouté Maître Bouzenoun. Il a notamment cité l'artiste sud-africain Stephen Cohen, reconnu coupable d'exhibition sexuelle en mai 2014 par le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir danser le sexe enrubanné relié à un coq lors d'un spectacle de rue sur le parvis du Trocadéro à Paris. Et il avait été dispensé de peine. Ben moi, je pense que c'est ça. C'est qu'il n'y aura pas grand suite. On l'a arrêté juste pour qu'elle arrête sa performance. Mais je pense pas qu'elle soit amenée en cour et puis qu'elle soit amenée en prison pour des trucs du genre. C'est plutôt pour calmer l'ordre public. Hein? Cacher ce sein que je ne saurais voir. Une touriste américaine victime d'un viol collectif en Papouasie. Une touriste américaine qui effectuait donc une des plus célèbres randonnées de la jungle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec son petit ami a été victime d'un viol collectif et de mutilation. Les deux touristes âgés de 31 ans se trouvaient au moment de l'attaque sur la piste Kokoda, un étroit sentier de randonnée dans le sud-est de la Papouasie qui traverse des zones très accidentées. La piste Kokoda est l'un des hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, théâtre de sanglants corps à corps pendant 5 mois entre soldats australiens et japonais en 1942. Le couple marchait donc lundi en direction du camp de Templeton 2 quand elle a été attaquée par plusieurs personnes qui leur ont volé leurs sacs, chaussures, téléphones ainsi que 15 000 kinas qui représentent 7 000 $ canadiens en liquide. C'est ce qu'a déclaré au journal le National Sylvester Collot, un responsable de la police de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'homme a été attaché à un arbre et la femme a été plusieurs fois volée, violée avant que 3 de ses doigts ne soient sectionnés. Les randonneurs avaient été libérés au bout d'une heure. La police a affirmé que cette attaque avait été menée par au moins 2 hommes armés de couteaux. Un des 2 agresseurs serait depuis détenu par des villageois, selon le journal The National, qui indique que le randonneur réside à Londres. Les 2 victimes sont parvenues à atteindre un village avant d'être amenées à Port Moresby, où elles ont reçu des soins médicaux. Cette agression a été confirmée par le ministre australien des Affaires étrangères, qui a indiqué que les 2 touristes s'étaient engagés dans la randonnée sans guide agréé. Les violences faites aux femmes sont très répandues en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où 80 % des hommes interrogés reconnaissent avoir déjà agressé leur partenaire. Dans une enquête publiée en 2013, par l'ONU. Imagine, 80 % finalement des hommes là-bas sont des violeurs. Et puis, ils agressent même leur partenaire, leur copine, leur conjoint-conjointe. C'est beau, hein? C'est beau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En avril 2013, une universitaire américaine de 32 ans avait été victime d'un viol collectif alors qu'elle marchait dans la forêt avec son mari et un guide sur l'île de Karkar, dans la province de Mandaing, dans le nord. Afin d'observer les oiseaux et l'impact du réchauffement climatique, la semaine précédente, un Australien de 62 ans avait été abattu à Mount Hagen, dans le centre. Une femme qui l'accompagnait, originaire des Philippines, avait été, elle aussi, violée par 10 hommes armés. OK, on s'en va en voyage Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais on... Non, hein, pas nécessairement. Aïe, aïe, ça va bien, ça va bien. Un officier pas très futé. Ben ça, c'est quoi? C'est un oxymoron, ce qu'on dit là. C'est la même chose. C'est vrai. C'est comme dire monter en haut. Hein? Nous avons donc eu le déplaisir de lire vers la fin de la semaine dernière dans un quotidien reconnu qu'un officier supérieur du SPVM, donc un top gérant des policiers enquêteurs, se rend à une soirée et se fait voler des papiers importants concernant des enquêtes et des noms de sources. Comment se fait que tu t'en vas dans une soirée, premièrement, avec des papiers qui concernent tes enquêtes, puis le nom de source? Il me semble que l'endroit n'est pas tout à fait approprié. Laisse ça à ton bureau ou à la maison. Donc, je ne vais pas le traiter de sans-génie, mais peut-être d'idiot du village. Qui ne sait pas dans ce département de police qu'il ne faut jamais, jamais transporter d'informations sensibles et les laisser sans surveillance? Le pire, il allait dans une soirée de flicailles au centre-ville, dans un coin reconnu pour être le royaume des vols dans les autos. Qu'un citoyen ne le sache pas, je le comprends, mais qu'un policier qui ne pratique pas ce qu'il prêche, c'est assez faible. La seule excuse serait qu'il vienne d'ailleurs, comme d'un village lointain où les voleurs n'existent pas, mais il n'a pas cette excuse. Au départ, ce commandant ne devrait pas être en possession de documents sensibles. Il est gérant, nounou ou administrateur, coach d'une bande de gars qui, eux, font leurs enquêtes. C'est à eux de posséder les documents, de les garder, les étudier et les faire, ces arrestations de ces dossiers. S'il y a des noms de sources, ils doivent être tenus secret. Alors, pourquoi se promener avec de tels dossiers? Quelle était l'urgence d'amener ça à une soirée? Imaginez votre patron venant se mêler de votre travail, le président des ventes de General Motors sur la ligne de montage, le chef de secteur des incendies prendre des lances. On aura compris alors pourquoi un commandant se permet-il de conserver des dossiers sensibles et surtout les oublier dans sa voiture. De ce que nous avons appris, eh bien, il y aurait des noms de sources, une cause à présenter, des informations... Pardon. À présenter de l'information importante. Croyez-vous vraiment que les gens concernés se sentent protégés? Une source est une personne physique, pas un bout de papier. La responsabilité des policiers est de veiller à ce qu'elle demeure en vie et en sécurité. Les policiers auront encore et toujours besoin d'informations. Si les sources ne survivent pas, l'information non plus ne survivra pas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Des enquêteurs ont aussi perdu des ordinateurs remplis d'informations sensibles. Quelqu'un peut leur dire que ça ne se fait pas. Quelqu'un comme un directeur de police. C'est quoi son nom déjà? Ah oui, celui qui depuis des mois joue à l'homme invisible. J'en parlais avec quelques policiers à la cour de session de Montréal. Personne ne semble savoir s'il existe vraiment. Je ne crois pas qu'un département de police ayant eu autant d'avatars dans les dernières années puisse encore se permettre d'en ajouter. La liste des idioties, des fourberies, des trahisons se fait encore plus longue. Ce corps policier devient la risée de l'ensemble des services de police. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Si oui, réveillez-le quelqu'un. Eh bien oui. Et puis ça, c'est sans compter toujours l'exagération des policiers qui essaient toujours de dire qu'eux, ils ont un comportement irréprochable, qu'ils sont parfaits et que tout le monde devrait suivre leur exemple. Peut-être pas ici, en tout cas. 11h50, oui, les 12 obsessions les plus étranges. Oui, ça, c'est assez hallucinant. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça passe sur Canal Vie. C'est l'émission américaine My Strange Addiction. Originellement, c'est diffusé à TLC depuis 2010 et met en vedette des gens détenant des troubles obsessionnels compulsifs pour le moins extrêmes. Eh bien, au fil des années, cette émission nous a envoyé quelques savoureux moments de télévision. Et aussi de misère humaine, faudrait le dire. Difficile de croire que ces dépendances sont bien réelles. Je vous les envoie et puis via la page Facebook du Dîner de cons, vous pouvez tout aller voir le reportage. Parce que là, je vais les envoyer comme ça. Parce que ça n'a juste pas de bon sens. On n'a pas grand-chose à rajouter aux titres qui sont assez éloquents. Vous allez voir une dame qui mange des roches pour le souper depuis plus de 20 ans. Oui, c'est vrai. Ça a l'air irréel ce que je vais dire, là, mais c'est vrai. Une autre est obsédée par les piqûres d'abeilles. Elle aime ça se faire piquer par des abeilles. Tout à fait. Une autre mange les cendres de son mari défunt. Ça doit être bon, hein? Peut-être si elle ajoute de l'eau, non, ça pourrait faire une boîte différente. Elle boit du sang animal. Une dame boit du sang animal. Une autre ne peut vivre sans ses seins. Ça devait être... j'ai pas vu celle-là, là, mais c'est quoi? C'est peut-être qu'elle a eu un cancer du sein, là, puis elle s'en est fait poser des faux qui sont vraiment affreux, là, mais en tout cas. Une autre dépendante du papier de toilette. Elle mange du papier de toilette sans arrêt. Là, c'est pas là-dedans, mais j'en ai vu un aussi qui mangeait des coussins, hein? Des coussins de divan, pas pire. L'autre s'arrange comme une poupée humaine. Celle-là, c'est un gars, on en a parlé, c'est lui qui se prend pour Ken Barbie, là. On en a parlé il y a peut-être 3-4 ans déjà ici au Dîner de cons. Vraiment, c'est un homme sain d'esprit, c'est sûr. Il entretient une relation intime avec sa voiture. Il lui fait l'amour, la flatte, fait tout ce qu'il veut. L'autre ne vit que pour de l'eau de Javel. Celle-là, j'ai pas vu l'émission. Est-ce qu'elle boit? Est-ce qu'elle se... Sur l'image, on voit qu'elle est dans le bain. Peut-être qu'elle est dans le bain avec. Je sais pas trop, mais en tout cas. L'autre, sa femme, c'est une poupée. Oui, et ça, on avait déjà vu. C'est des love dolls qu'on appelle. L'homme vit littéralement avec sa poupée. Lui parle, l'assit devant lui pendant qu'il mange. Il prépare une assiette. Elle le mange jamais, mais quand même. L'autre aime boire de la peinture. Oui, oui. Mange des matelas. Ben, c'est celle-là de tantôt que je vous parlais. Mange des coussins, des matelas. Donc, watchez vos divans si vous l'invitez à la maison. Mais si vous voulez vraiment voir l'étrangeté de l'humanité, là, c'est l'émission My Strange Addiction sur TLC ou sur Canal Vie. C'est mon étrange addiction, tout simplement. C'est peut-être pas nécessairement reluisant, mais ça en apprend beaucoup sur les êtres humains. Une demande en mariage qui est l'une des plus longues jamais faites, je vous la présente. Il s'agit de la demande en mariage... Attends un peu. Quand il s'agit d'une demande en mariage, toutes les idées sont bonnes pour impressionner sa tendre moitié. Ray Smith, un Britannique de 38 ans, a décidé de faire sa demande en mariage pendant 5 mois. Je pensais que ça pendait 5 ans. En photographiant donc secrètement le message « Will you marry me » sur chaque photo prise avec son amoureuse, mais elle ne le savait pas. Ça, c'est bien sympathique, hein? Et je cite cet homme, il dit « J'ai cherché en ligne pour trouver des demandes en mariage insolites et j'ai vu des idées comme des flash mobs et ce genre de choses. J'ai alors décidé de trouver une idée plus originale et de prendre une photo par jour pendant 5 mois. C'est ce qu'a raconté Ray Smith au journal Metro. 148 photographies plus tard, Claire Bramley, âgée de 38 ans, a accepté la proposition de son amoureux de longue date. Donc, j'étais complètement surprise, mais en même temps, c'est exactement le genre de choses qu'il fait. J'ai dit oui tout de suite. Je n'avais pas besoin d'y penser, explique la future Madame Smith. Le couple attend également un enfant. Donc, c'est bien sympathique. Il a fait vraiment ça pendant 5 mois. Elle ne le savait pas, ne le voyait pas. Puis pendant qu'il prenait une photo, ben, il ajoutait son petit carton qui faisait sa demande en mariage. Bien sympathique et inutile, comme on aime. Ça, c'est dégueulasse. C'est une illusion d'optique, donc ça n'a rien de dégueulasse. Mais oui, effectivement, l'illusion d'optique est dégoûtante. Ben oui, on y va. À première vue, là, l'image publiée sur le site Imgur semble montrer une scène pour le moins douteuse. Il s'agit en fait d'une illusion d'optique des plus malsaines jamais rencontrées. Je vous explique la photo si vous ne l'avez jamais vue. C'est une maman, OK, avec un petit bébé. Et puis, juste à côté, ben, il y a un homme chauve qui vient embrasser le bébé. C'est tout simplement ça, OK? Mais l'illusion d'optique nous montre autre chose. On dirait plutôt un cul, un gros cul devant le bébé. Et c'est vraiment pas chic. Mais effectivement, c'est assez sympathique quand on voit que c'est tout simplement une illusion d'optique. Selon le quotidien, le Daily Mail, la photo montrait un homme chauve se penchant pour embrasser son bébé. Et ben, cette photo a généré plus de 3 millions de visionnements en quelques heures. Elle a provoqué des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont cru plutôt que les épaules velues du père et que son crâne chauve ainsi que son oreille gauche étaient plutôt son postérieur. Il n'en fallait pas plus pour que les médias sociaux s'enflamment. Le Daily Mail a répertorié quelques-uns des commentaires les plus explicites. Donc, c'est Min Heka qui a partagé l'image sur sa page d'un groupe Facebook avec le commentaire suivant. « J'ai pensé vous partager cette photo à toutes les mamans parce que ça a fait rire mon côté immature après une dure journée avec le petit. Je croyais vraiment que c'était la photo d'un trou de cul, a-t-elle ajouté, et c'est ce que cela a de l'air. » Rapidement, de nombreux commentaires se sont enchaînés, témoignant que plusieurs s'étaient laissés prendre à la même illusion d'optique. Moi, à la base, je pensais pas que c'était un trou de cul, je pensais que c'était un fruit ou un genre de potiron, un légume qui avait l'air d'un trou de cul. Mais bon, je l'ai dit. Melissa Watson a commenté, je dois dire que je suis d'accord avec toi, j'ai dû regarder bien attentivement avant de pouffer de rire. Une autre dame dit comme commentaire, ça m'a pris un certain temps avant de me rendre compte de quoi il s'agissait. Un autre usager a ajouté, quelle horreur! Mon cerveau a désespérément cherché une autre perspective qui représentait quelque chose de moins odieux et ça a pris beaucoup trop de temps. Un autre internaute dit, qui a vite abondé dans le même sens, moi aussi c'était difficile de donner un chapeau à cet homme ou même des cheveux. Allez voir l'illusion et puis vous allez comprendre pourquoi ça peut être bien, bien drôle tout ça. Non, j'ai pas le goût d'en parler de ça. Ça m'intéresse pas. J'ai pas le goût de le faire. On va terminer avec ça avant d'aller sur notre break du midi, une petite pause publicitaire du midi. C'est un concours douteux, hein, à Radio X. On est tellement surpris que ça se passe à Radio X. C'est l'animateur Carl Monette, le génie, qui a lancé lundi un concours pour le moins particulier. Qui ne passera pas 2016? Qui vive à trouver une personnalité publique qui décédera au cours de l'année? Vraiment, c'est brillant. Hein? Ironiquement, le concours a été lancé la veille du décès de l'ancien maire de Québec, Jean-Paul Lallier. En 2015, plusieurs personnalités publiques nous ont quittés et malheureusement, d'autres vont nous quitter en 2016. Mesdames, messieurs, faites vos jeux. Qui ne passera pas 2016? Peut-on l'entendre dire sur les ondes de Radio X? Ce concours sous forme de pool, donc c'est un Deadpool, hein, sera accessible sur la page Facebook de l'émission tous les lundis de 19h50 à minuit. Allez répondre à la question et faites vos jeux. Rien ne va plus qui, selon vous, ne passera pas en 2016, aussitôt que la personne va mourir. OK. C'est terrible, a lancé sa co-animatrice en interrompant l'animateur qui va crever en 2016. Là, il dit, c'est pas terrible, c'est un pool comme un autre. Ça fait des années, je n'ai rien inventé. Des Deadpool, ça existe depuis longtemps sur Internet. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un? A ajouté Monette. Alors, si vous avez une idée et je veux une personnalité publique, là, vous comprenez que tante Ginette, qui est dans le coma à l'hôpital et qu'il lui reste 2 jours, ça ne marche pas. C'est terrible ce qu'il dit. Le tirage aura lieu parmi toutes les personnes qui auront visé juste. Ils vont en faire un véritable concours. Je pense qu'on a assez de prix pour faire 3 ou 4 morts cette année, a conclu Carl Monette. Bravo, bravo, bravo. Hein? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30. Et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Sébastien F. Gardin qui vient d'arriver en studio pour sa chronique. Bonjour à toi. Bonjour. C'est vrai que Mathieu est vieux. C'est vrai, hein? Ah, là! Faites des jokes de mon oncle. Ça, c'est de la persécution, je trouve. J'aime pas ça. Quoi, c'est pas la première fois dans ça, persécution? Non, on appelle des fois le persécution comme le père Foura. Joke de bonhomme! Pareil! C'est Bulletin Guertin. Sébastien vient de s'excuser de sa joke facile. Ouais, il s'est dit des choses pendant que j'avais les écouteurs sur les oreilles, n'est-ce pas, messieurs? Sébastien a dit, attention, je vais l'imiter. Tu fais une mauvaise imitation. Avec tes mains, ça marche pas à radio, Mathieu. La caméra 3 est fermée ce matin. Je fais ce gag-là plusieurs fois, des fois de vouloir imiter quelqu'un en m'attendant à ce que la personne fasse sa propre imitation comme ça. Oui. Je le sais, je voulais juste revirer ça comme toi. Non. Un jour, je t'aurai, futur animateur de la sortie de secours est à votre gauche. De demain. Okay, oui. Les jeudis matin, jeudi après-midi. Jeudi après-midi à 13h, ça va être bien le fun. Mentionnons-le dès le départ. C'est quoi ça, cette émission-là? Ça me dit rien pendant tout. On en parle-tu après ma chronique? Au début et à la fin? Au début et à la fin, juste, ok. Bon. Au début, je vais juste dire l'heure, jeudi 13h. Ouais. La sortie comme de secours est à votre gauche et on c'est en parle voix, comment... à la fin. C'est ta voix dans l'intro ou dans la pub? Les deux. Bon. C'est littéralement le même enregistrement qu'on a utilisé. Ouais. Génial, on y reviendra. Donc, ça, personne ne le sait, c'est un secret. Non! Ça l'est plus, on l'a dit à la radio. C'est juste entre nous trois, cette histoire-là. C'est ça. Donc, ta chronique se porte, comme toujours, sur l'actualité, en général, de façon large, mais aussi des sujets dont les gens parlent, actuellement. Oui, mais pas en même temps. Pas en même temps. Mais oui. Mais pas bref, ce matin. C'est bien confus, puis j'aime bien ça faire de la... ce que j'appellerais de la petite chronique d'humeur, okay. Parfois, parce que c'est

OK. Non, les plus gourmands réussissent à dévorer le contenu de leur assiette. Ce plat est au 9e rang mondial au chapitre des hamburgers les plus dispendieux. Donc, c'est vraiment le burger à 100$. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule. Mais vous allez pouvoir prendre ça au Hamburger, M-B-R-G-R, au 2025 rue Drummond, à Montréal. Sinon, le Burger Jesus. Donc, il a obtenu la toute première place lors de la semaine du burger à Montréal et la description parle d'elle-même. Galette de bœuf 3A, servie avec une crème au vin blanc, du ketchup fumé, le tout garni de bacon et de fromage à la crème entre deux tranches de fromage. Vous avez bien lu, c'est le fromage qui sert de pain. C'est le Burger Jesus. Sinon, en cinquième position, des meilleurs burgers à manger au Québec. Mais là, moi, je voudrais dire, ça a l'air d'être plus à Montréal, mais quand même. C'est le Copoli Burger. Même s'il est plus traditionnel que les... Même s'il est plus traditionnel que les autres hamburgers de cette liste, les cinq variétés offertes, dont un burger au poulet et un autre au bacon, sont servies sur un pain de 8 pouces, 20 cm, et accompagnées de laitue, de tomates, d'oignons et de cornichons, ainsi que d'une sauce maison. On peut manger le Copoli Burger chez Copoli, au 5181 boulevard Maisonneuve à Montréal. Sinon, le McKibbin's Titanic Burger. Il est très, très beau, en tout cas. Il est très, très en hauteur. Une boulette de une demi-livre, oui, grillée sur le feu. Des couches de fromage cheddar, du corned beef tendre. Je déteste le corned beef. Sauce barbecue, Guinness et bacon croustillant servi sur un pain de sésame grillé avec de la laitue, tomates, salade de cornichons, mayonnaise au chipotle et rondelles d'oignon panées à la bière. À la seule description de ce burger, eh bien, bien sûr, l'eau à la bouche nous vient, sauf le corned beef. Mais en tout cas, vous pouvez prendre le McKibbin Titanic Burger au McKibbin Irish Pub sur la rue Bishop au 1426 à Montréal. Le Buck Burger, eh bien oui, plus petit, mais à la portée de toutes les bourses. Vous avez le choix entre le pain original et le pain wet. Il est servi avec en accompagnement du capicolo, du fromage, des piments forts, des oignons, des tranches de tomates, de la laitue, de la relish et de la moutarde. Ne lésinez pas sur les extras. Vous pouvez prendre le Buck Burger au Dilalo, trois adresses, dont le 2851 rue Allard à Montréal. Le burger du numéro 8 de cette liste, eh bien, c'est l'Épic. J'espère qu'il va l'être, hein? Voici un colosse qui ne s'en laisse pas imposer. L'Épic vous propose 4 galettes de bœuf, totalisant 32 onces de viande, accompagnées d'une sauce Porto et chocolat, Jack Daniel au miel et beurre d'arachide, beaucoup de bacon et de fromage brie. On y retrouve aussi la crise cardiaque. Eh bien oui, pour un modeste 24 onces de viande hachée, c'est celui-là. OK, t'en as un qui est à 32. Deux choix pour les vrais gourmands ou pour la gang au complet. On peut manger l'Épic à la Belle et le Bœuf au 510 promenade de Centropolis à Laval. Ah, c'est pour ça qu'on est allé un peu vers la fin. On est allé se promener un peu à l'extérieur. Sinon, le Péché mortel en 9e position. Tenez-vous bien. Pain à la bière noire, boudin blanc de porcelet à la bière blanche, trompette de la mort, oignon caramélisé au cidre de glace, pommes surette, fromage bleu et bacon de sanglier fumé au bois de pommier. Et vous n'avez pas la liste de tous les ingrédients. Un péché, vous serez pardonné. Péché. Donc, on peut manger le Péché mortel au quai 19 au 48 rue Saint-Paul à Québec. Enfin, on sort un peu de la métropole. Et puis, finalement, on va aller vers le Krispy Kreme Burger. Donc, le Krispy Kreme, au diable les calories, une superbe boulette de viande accompagnée de bacon fumé, de laitue, de tomates, le tout inséré dans un beignet coupé en deux, salé et sucré à la fois. Donc, c'est vraiment ça, là. 1500 calories au total. Si le cœur vous en dit, on mange le Krispy Kreme Burger au Jack Saloon, deux adresses, dont le 1155 rue de la Chevrotière à Québec. Et là, on a quelques extras. Hein. Après avoir pêché par gourmandise, repentez-vous en passant par Chicago au Kuma's Corner, où l'on retrouve un burger ostentatoire garni d'une hostie non consacrée et d'une réduction de vin rouge. Puis ensuite, rendez-vous à Las Vegas au resto Fleur de Lys. Oui, il s'appelle le resto Fleur de Lys. C'est à Las Vegas où vous pouvez dépenser $777 pour un burger fait de bœuf de Kobe, accompagné de homards de brie importés et d'un vinaigre balsamique vieux de plus de 100 ans. Vous êtes à Vegas et vous avez fait sauter la banque d'un casino. Voici un choix qui vous sera aussi comblé. C'est le Burger Brasserie Oui, OK. Le Burger Brasserie, sans toutefois vous rassasier, bœuf de Kobe, foie gras et truffes servis sur un pain de format standard. Mais à 5 000 $, il est accompagné d'une bouteille de champagne Château Pétrus 1995, normal dans la capitale du vice. Donc, vous avez compris, c'est le Burger Brasserie. Bœuf de Kobe, foie gras, etc. 5 000 $ pour un maudit burger, quand même. Mais ça donne faim. Je dois avouer que là, le petit ventre, il est creux. Le petit ventre, je le dis vite, là, mais en tout cas. Changeons de, totalement de sujet. Ici, en Haute-Savoie, une chienne mange des volailles. La chienne mange ses volailles, il la tue et demande de l'argent à son maître. Donc, l'histoire est à peine croyable. Mercredi dernier, à Régnier-Esery, en Haute-Savoie, le propriétaire de volailles aperçoit une chienne qui vient de s'attaquer à ses bêtes. Plutôt que de la faire fuir, cette chienne, eh bien, le sexagénaire saisit son fusil et abat Akira, 4 ans, d'une balle en plein cœur. Le sadisme de l'homme ne s'arrête pas là. Sur le collier de l'animal, il récupère le numéro de son maître et l'appelle en lui demandant froidement de venir récupérer la dépouille de sa chienne, mais aussi de le dédommager financièrement pour la perte d'une oie ainsi que d'une dinde. Le propriétaire d'Akira témoigne. Il m'a appelé pour m'annoncer qu'il venait d'abattre ma chienne et que je pouvais venir récupérer son corps. Il m'a aussi demandé un dédommagement pour ses volailles. Je suis resté sans voix. Je peux comprendre son mécontentement, mais de là à tuer Akira pour quelques volailles, c'est une situation hors norme. Il aurait pu tirer en l'air, mais non, il l'a froidement abattu. Il a même dit qu'il avait visé le cœur. En état de choc, l'homme a déposé plainte contre le sexagénaire. Il a immédiatement reçu le soutien de l'association locale Animaux Secours, qui se constituera en partie civile dans l'affaire. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte et l'auteur de ce geste ignoble sera prochainement convoqué pour être entendu. Là, par exemple, ici, moi, je suis un peu entre l'arbre et l'écorce. Parce que non, c'était pas correct de tuer la chienne. Mais la chienne est allée quand même tuer des volailles de l'homme. Et puis, une volaille, c'est quoi? Ça vaut moins. La vie d'une volaille, ça vaut moins que la vie d'un chien? Pas pour moi. Moi, je trouve qu'une poule, ça vaut autant, ou une oie, ça vaut autant qu'un chien. C'est n'importe quoi, ceux qui pensent le contraire. Parce que pourquoi? Parce que c'est votre toutou dans votre maison, il devient plus important au niveau de qui? Aux yeux de qui? À vos yeux, à vous, oui, c'est normal. Mais aux yeux du propriétaire des volailles, ben ces volailles, ils valent plus que le chien. Moi, c'est ça, en tout cas. Moi, ça me répugne de voir que les chats et les chiens ont un statut particulier d'animaux plus privilégiés parce que c'est nos animaux de compagnie la plupart du temps. C'est complètement, mais complètement ridicule. Ça n'a pas lieu d'être. J'approuve pas le gars qui a tué le chien, mais j'approuve pas non plus le chien qui est allé manger des volailles. Je sais que le chien, lui, c'est pas de sa faute, là. C'est naturel chez lui. Il n'y a aucun problème là. Mais l'autre, là, le maître, ben il n'y avait qu'à l'attacher ou le mettre dans une cage ou le garder dans sa maison et de le nourrir assez pour pas qu'il ait le goût d'aller manger une volaille l'autre côté de la rue chez le voisin. C'est juste ça. Il n'y a rien là. En tout cas, moi, je suis vraiment pas... Je suis vraiment plutôt choqué par la tournure de l'article qui veut nous faire prendre le point de vue, la défense de un ou de l'autre. Et puis ça, c'est très malhonnête chez les journalistes. Et de plus en plus, ben c'est sûr que moi, je fais affaire dans les nouvelles les plus niaiseuses, les plus écrapous, les plus sensationnalistes du monde. Alors, c'est sûr que les journalistes qui s'occupent de ce genre de nouvelles sont rarement très, très, très fiables du côté journalistique, là. Le point sur la ligne puis être très, très strict. Fait que la rigueur journalistique dans ce genre de nouvelles, ben, ça laisse à désirer un petit peu. Ici, la dernière pub très réussie de Volkswagen, c'est absolument à voir en vidéo, vraiment une très bonne idée. Quand il s'agit de faire parler d'elle, hein, la marque Volkswagen, eh bien, elle ne manque pas d'idées. Et puis, elle en a besoin, hein, après tout ce tapage négatif qu'il y a eu autour de Volkswagen. Donc, qu'on l'aime ou pas, il faut bien reconnaître que Volkswagen se fait remarquer. Quelques mois après le scandale des données truquées sur des émissions de ses véhicules, eh bien, la marque allemande s'illustre cette fois-ci positivement dans une publicité plutôt réussie. Dans une vidéo mise en ligne ces derniers jours, Volkswagen a présenté l'innovation, le Trailer Assist, d'une manière très originale, à la manière du Park Assist. Cette fonction permet de garer son véhicule ainsi que sa remorque sans avoir besoin de toucher à quoi que ce soit. Mais les habitants de la ville de Lillestrøm, en Norvège, sont donc restés scotchés en voyant défiler une Passat en marche arrière à vive allure, harnachée d'une remorque plutôt imposante. Je vous explique ce qui arrive, là. C'est que c'est une ville, une petite ville d'Europe comme ça. Et puis, il y a une Passat avec une remorque en arrière. Mais c'est la remorque qui va à toute allure. Et puis, la Passat suit en arrière, finalement. Et ce qu'on a compris, c'est que... Ben, on le voit dans la seconde partie de la vidéo, c'est qu'on voit le making-of du tournage qui permet de réaliser que les services de Volkswagen ont créé vraiment une mini-voiture cachée dans la remorque, ceci afin d'assurer la sécurité des habitants lors des manœuvres à grande vitesse. Parce que tu vois, à un moment donné, la remorque, c'est comme si quelqu'un chauffait là, de façon trop vite, mais à reculons avec une remorque en arrière, fait que c'est comme impossible. Il dépasse des chars sur l'autoroute, il fait des virages de façon assez brusque. Mais tout ça pour voir quand on sait que dans la remorque, c'est elle, dans le fond, qui tracte la Volkswagen Passat. En tout cas, c'est compliqué dans l'explication, mais d'une simplicité enfantine si vous allez voir la vidéo. Fusillade au cabaret du Myland. Eh bien, la police demande l'aide du public. La police de Montréal demande l'aide du public afin d'identifier un groupe d'individus présents lors de la fusillade au cabaret du Myland le 7 juin 2014. Ça remonte à presque un an et demi, deux ans, là. Les individus recherchés apparaissent sur les images captées par une caméra de vidéosurveillance située à l'arrière du bar de l'avenue du Parc. Vous irez voir, là, les liens vers cette vidéo sont sur la page Facebook du Dîner de cons. 400 personnes étaient présentes sur les lieux lorsque le malheureux événement s'est produit. La victime, Steven Célestin, 23 ans, était lié au gang de rue Les Bleus. Trois autres clients ont également été blessés. Ceux et celles qui auraient des informations pouvant aider aux recherches de la police sont priés de communiquer avec la police le plus rapidement possible au 514-280-8778 ou avec Infocrime au 514-393-1133. Voici la vidéo dans laquelle on peut voir les individus qui sont recherchés par la police. Ben là, je ne vous la décrirai pas, mais vous irez la voir via la page Facebook du Dîner de cons. Tout est là. Ici, hausse inexpliquée de l'essence. Eh bien oui, la nouvelle est sortie hier. Dépêchez-vous à faire le plein. Une très mauvaise nouvelle s'abat sur les automobilistes, car une fois de plus, le prix de l'essence est à la hausse. Quand le baril de brut descend sans arrêt, il est presque rendu à 25$, mais nous, on nous fourre encore en nous chargeant trop cher. Qui se met de l'argent dans les poches? Est-ce que c'est le garage? Parce qu'avant, c'était toujours les petits garagistes, les stations d'essence disaient tout le temps « Ah, mais c'est pas nous qui fait du profit, c'est les grandes compagnies. » Mais là, c'est pas vrai. C'est complètement un mensonge. Là. Si qui fait du cash? Les raffineurs? La petite boutique? La station d'essence? Il doit avoir des profits astronomiques. Quand dans un baril de brut, là, c'est 45 gallons. 45 gallons, si on calcule ça vite, vite de même, là, c'est x 4, parce qu'un gallon, c'est à peu près 4 litres. On s'entend, c'est 3,78. Là. Mais 45 gallons x 4, on est près de 200 litres. OK, 200 litres divisé par 30$, ça fait quoi? 15 cents le litre, l'essence qui nous revient à peu près? 15 cents quand il nous le charge à 1$. Et puis là, ben, il vient de monter encore ici à Montréal. Il est rendu à 1,08. Ceux et celles qui souhaiteraient épargner quelques sous devront faire vite car les stations-service offrent le litre d'essence au prix de 98 sous. Eh bien, nous ici, c'est 99. Ça va se faire de plus en plus rare dans les prochaines heures. Cela dit, cette hausse risque de surprendre plusieurs consommateurs étant donné que le prix du baril se vend à une valeur très basse. On peut parler ici d'une hausse inexplicable, alors passez le message et surtout faites vite. Et moi, j'aimerais avoir des réponses. J'aimerais que des stations d'essence là, qui disent tout le temps que c'est pas de leur faute si le prix de l'essence est si cher, ben j'aimerais ça qu'ils viennent s'expliquer pour une fois parce que d'habitude... Ils mettent ça tout le temps dans la balle, dans le camp des taxes ou dans le camp des raffineurs. En tout cas, on veut des réponses ici. Hein? Pas des maudits mensonges comme d'habitude. Pyramide. L'Égypte promet de nouvelles révélations choc. J'avais sorti ce titre-là il y a quelques jours, je pense que c'est lundi. Et puis j'avais passé sous silence cette nouvelle par manque de temps. Alors, on se la fait ce matin, ben, ce midi. Les pyramides, donc, s'apprêtent à révéler de nouveaux secrets spectaculaires. Le ministre égyptien des Antiquités a confirmé dimanche que le projet consistait à scanner avec de toutes nouvelles technologies les pyramides, notamment celle de Khéops, et il avançait et promettait de mettre à jour de nouveaux secrets. La mission, appelée Scan Pyramid, réunit des scientifiques égyptiens, français, canadiens et japonais et ont entamé leurs travaux le 25 octobre dernier. Comme l'indique l'agence France-Presse, eh bien, l'opération met en œuvre de manière inédite et croisé plusieurs technologies non évasives et non destructrices. analyse thermique, caméra infrarouge, radar sophistiqué, radiographie des trajectoires des muons qui les transpercent, ces particules cosmiques qui traversent en permanence la Terre, cartographie à l'aide de drones, etc. Le 9 novembre dernier, le ministre des Antiquités Mahmoud El Damati avait déjà annoncé que la thermographie infrarouge appliquée à la Grande Pyramide de Gizeh, celle qui avait abrité la dépouille du pharaon Khéops et la dernière des sept merveilles du monde antique, encore debout, avait révélé de telles différences de température entre les différents blocs calcaires géants contigus jusqu'à 6 degrés Celsius qu'elle pourrait indiquer la présence de chambres secrètes qui seraient inexplorées. Et puis aussi, on a vu, j'ai vu dans un reportage, quand on regarde les pyramides de très haut, eh bien, on se rend compte qu'elles n'ont pas des faces planes de chaque côté. Les faces rentrent, finalement, c'est un peu comme des étoiles à 8 branches. L'intérieur rentre vers... les côtés rentrent vers l'intérieur. C'est un peu difficile à exprimer par la radio, là. Mais en tout cas, si vous voyez ce que je veux dire, c'est assez particulier. C'était la première fois qu'on voyait ces images-là qui a été prises par des drones. Le ministre de Promet aussi, alors que la monumentale pyramide de Khéops, 146 mètres de haut, construite il y a plus de 4500 ans et dont on n'a pas encore percé tous les mystères, allait livrer un de ses secrets d'ici la fin de la mission Scan Pyramid, prévue d'ici la fin de 2016. Des anomalies thermiques importantes ont été notées, notamment sur la face ouest de la pyramide rouge du site de Dachour, au sud du Caire, et sur la face nord de celle de Khéops, sur le plateau de Gizeh, aux portes de la capitale. Il y a une différence de température entre 3 et 6 degrés Celsius sur la face ouest et la pyramide rouge. Le bas de l'édifice est plus froid que le haut, s'étonnait M. Klein. C'est intéressant, mais nous n'avons pas encore de réponse. Est-ce que cela pourrait être dû à la circulation du vent? On ne le sait pas. Ces résultats préliminaires nous indiquent qu'il y a de bonnes nouvelles en perspective, s'est enthousiasmé le ministre El Damati, ajoutant « Nous allons avoir des secrets à résoudre dans les pyramides, mais il est encore trop tôt pour dire ce qu'ils sont. » Alors, l'article était bien, mais servait un peu à rien. Il nous dit juste que là, on va nous dévoiler des nouveaux secrets, mais on ne vous dira pas tout de suite lesquels. Papier d'aluminium pour soigner le mal de dos ainsi que l'arthrite. Non, vous avez compris. Eh bien oui, ça paraît drôle et incroyable, mais c'est vrai et réel. Le papier d'aluminium suffirait pour soulager vos maux de dos et votre arthrite. Inspiré de la médecine traditionnelle chinoise puis étudié par des scientifiques russes, cette impressionnante astuce permet d'atténuer les douleurs dans différentes parties du corps. Pourquoi le papier d'aluminium? En quoi consiste cette méthode? Comment l'appliquer correctement? Toutes ces réponses dans cet article. OK, il est là, parce que je m'en ai dit, l'article est très court. Comment ça peut tout nous décrire ça en deux phrases? Donc, nous utilisons souvent et pratiquement chaque jour dans la cuisine, mais sans savoir qu'il possède des atouts curatifs. Le papier d'aluminium est beaucoup plus qu'un simple outil. C'est un anti-inflammatoire très efficace et un excellent remède à choisir pour traiter les douleurs dans le cou, le dos, les épaules, les genoux et les talons. Il est aussi très efficace contre la névralgie sciatique, le nerf sciatique, l'arthrite ainsi que le rhumatisme. Rhumatisme ou, comme disaient les vieux, le rhumatisme. Hein? Le rhumatisme, ça, c'est sûr, ça fait mal. Donc, est-ce qu'on y va avec ça? Suivant. Attends un petit peu, précédent. OK, la technique est là. C'est parce qu'il y a des... L'article continue, mais je veux le lire. Le principe de la méthode, eh bien, l'astuce en question applique une théorie adoptée depuis très longtemps par les Russes, soit la bioénergie, l'énergie stockée à partir de l'énergie solaire. Le principe est simple pour les guérisseurs chinois. Les méridiens sont des canaux spécifiques qui permettent à l'énergie vitale du corps de circuler dans le corps. OK. Les différents méridiens sont interconnectés et partent en général d'organes et de viscères. Lorsque le corps ressent une douleur, le flux d'énergie est perturbé. Donc, en régulant le flux d'énergie, on parvient à atténuer la douleur. La théorie adoptée dans de nombreux traitements aujourd'hui a aussi été décrite dans les travaux de Wilhelm Reich, élève de Sigmund Freud. Donc, comment agit l'aluminium sur le corps? Eh bien, pour comprendre l'effet sur l'aluminium, de l'aluminium sur le corps, voici l'argumentation du scientifique russe A.V. Skorfkov. Selon lui, l'astuce réfère au concept de la bioénergie, mais s'inspire également de la médecine traditionnelle chinoise. L'usage du papier d'aluminium permet de stocker l'énergie qui circule ensuite de manière adéquate grâce aux méridiens qui permettront à l'énergie de bien circuler. Dans le corps, s'ensuit une disparition de la douleur. À date, on répète pas mal la même chose. Pour soulager la douleur, l'astuce est simple et facile à appliquer. Enveloppez la zone où la douleur se fait ressentir avec du papier aluminium. Fixez-le avec un bandage. La douleur devrait s'atténuer petit à petit. Voici donc une astuce à votre portée, facile et sans danger pour soulager votre mal de dos, votre arthrite et bien d'autres douleurs. Le traitement est simple, efficace et très peu coûteux. Vous ne perdez rien à l'essayer. Et puis, comme j'ai dit, c'est pas très invasif, hein, puis c'est pas d'avaler des choses bizarres. Essayez ça, c'est simplement un traitement à l'externe. Alors, pourquoi pas? Facile, on cache, on enveloppe la partie dérangée par le papier d'aluminium et on met un bandage autour. Génial! Et puis, tiens donc, on va se faire cette dernière nouvelle avant de poursuivre en musique. Ce sont de populaires items des magasins Ardennes et Aldo qui seraient un véritable danger pour nos enfants. Selon l'émission CBC Marketplace, plusieurs de ces bijoux bon marché sont en vente un peu partout au pays dans les magasins Aldo et Ardennes. Comme le souligne la CBC, eh bien, les chercheurs de l'Université de Toronto et de l'École Polytechnique de Montréal ont analysé quelques-uns de ces bijoux et ont découvert des concentrations de cadmium allant de 15 à 7000 fois ce qui est autorisé par Santé Canada dans des produits destinés au moins de 15 ans, du cadmium, des radiations nucléaires, là, des radiations atomiques. Plusieurs de ces bijoux bon marché sont en vente un peu partout au pays, dans des magasins Aldo et Ardennes. Sûrement dans des magasins de pièces aussi. Hein? Comme le souligne la CBC, les chercheurs de l'Université de Toronto et de l'École Polytechnique de Montréal ont analysé ces bijoux. Il importe toutefois de préciser que Santé Canada ne réglemente pas la quantité de cadmium que pour les bijoux. Attends un peu. Ne réglemente, pardon, la quantité de cadmium que pour des bijoux destinés aux plus jeunes. La Chine et l'Europe, par exemple, interdisent l'usage du cadmium dans tous leurs bijoux, même si plus de la moitié des bijoux fantasy vendus au Canada sont produits à Wimiu en Chine. Les fabricants avouent utiliser du cadmium malgré les risques pour la santé, parce que selon eux, ce métal est moins coûteux que d'autres, comme le cuivre ou l'acier. Ardennes a déjà effectué 5 rappels de bijoux qui contenaient du plomb ou du cadmium. C'est radioactif, c'est ce que je cherchais, c'est pas nucléaire, c'est radioactif du cadmium en plus. Eh bien oui, c'était les petites nouvelles. On va aller vers une pause musicale. Qu'est-ce que je vous offre? Oui, on va aller écouter la pièce, oui, justement, de la formation Loco Locas. On écoute ça tout de suite. Tiki-taki, je t'en passe un papier à la Tiki-taki. Nokia. On a tout ce qu'il faut pour faire les frais sans faire les frais de l'affaire. Le fer est chaud, l'hiver est bon, moins que le printemps québécois. Épargné par l'histoire, parvenu au carrefour, il nous faut choisir entre deux mots le moins pire. Soit le peuple est dans la rue, soit le peuple est dans la rue. Chaud et nuit pour la démocratie. Mini, mini, mani, mot, trois lettres, une syllabe, un mot qu'on dit avec le sourire, qu'on dit pour ne pas mourir. Ce oui là, c'est celui-là qui inscrit un nouveau pays là. Oui. Présentement, les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. J'aimerais avoir une chute de caramel qui me coule dans la bouche. T'aimes beaucoup le caramel, hein? Ah, de ces temps-ci, je capote caramel. Oui, c'est... Je m'excuse, là. C'est correct. Pomme caramel, c'est malade. T'as le droit. C'est ça, puis beurre d'arachide et chocolat. Beurre d'arachide et chocolat. C'est tellement comme un Reese, oui, finalement. C'est les meilleurs saveurs au monde pour moi. Oh. Ah, ouais. Ah, ça me donne faim. Voici une grosse pointe d'allresse. C'est une grosse pointe d'allresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit acheté dans une rangée qu'on ne devrait pas trop visiter parce qu'on veut pas se créer de tentation. Mais moi, je le fais parce que faut bien que quelqu'un le fasse. Il faut bien. Donc aujourd'hui, Tania, je te mets le choix entre les mains, la décision t'appartient. Oh mon Dieu, j'aime pas ça prendre des décisions même. Si t'es capable de lâcher Tinder 30 secondes. Je suis pas sur Tinder! J'ai même plus Tinder. Ok, ben imagine-toi, ok, ouais, que je suis Tinder. Swipe left! Non. Mettons, là. Okay? Ouais. T'as le choix. Là, je suis Tinder. Là, je t'imite Tinder, OK? Tu m'imites Tinder, OK. Tinder. D'un côté, je suis sucré. Ouais. Et d'un côté, je suis salé. Oh my God. Est-ce que tu me swipe du côté sucré ou du côté salé? Hey, ce matin, je dirais sucré. Sucré! Je suis d'accord avec toi parce que je viens de parler de saveurs que j'aimais et ça donne que c'est dans le produit que j'ai apporté. Oh! Hey! Oh oui! Donc aujourd'hui, je te cache évidemment le produit salé qui sera pour la prochaine chronique. Ouais. Et je te sors le produit d'aujourd'hui qui est ceci. Chocolat! Oh! Ah, et ça combine deux des affaires que j'aime le plus au monde, chocolat et caramel. Hein? Donc ce sont des chocolats belges croustillants en forme de chips Pringles. Ah ouais! Tu connais la forme des chips Pringles, donc avec la petite vague dedans. Chocolat belge croustillant, chocolat au lait et caramel, c'est de la compagnie Chocolaz avec un apostrophe S. C'est importé de la Belgique. Ça fait beaucoup penser à Laura Secor, en fait, le petit design. En effet, la petite boîte est en carton, un petit peu courbée de deux côtés et aplatie de deux autres côtés. Oui. On se comprend là-dessus. Donc, ça nous dit sur le côté, ben, en fait, sur le derrière de la boîte. Oui. Chocolaz de délicieux chocolat. Attends, non, excuse-moi. Chocolaz de délicieux chocolat. Il n'y a pas l'accent sur le délicieux. Mm-hmm. De délicieux chocolat de forme incurvée importé de la Belgique. Fabriqué de succulents chocolat belge de la plus haute qualité. Chocolat fourré de riz soufflé. De riz soufflé. Un régal croustillant et délicieux. Voilà. Donc, produit de la Belgique, ça dit de tenir au frais et au sec. Moi, je le garde dans le tiroir de mon bureau que je te défends d'ouvrir parce que tous les produits sont cachés dedans. Ah, ben, Moses, maintenant que je sais où ils sont cachés. Ben, non, c'est ça. Fais attention. Parlons des ingrédients, un petit peu sucre. Oui. Bon. Hein. Beurre de cacao, OK. Oui. Lait entier en poudre, pâte de cacao, riz soufflé, arôme naturel et artificiel, lécithine de soya, peut contenir des noix. Oh, voilà. D'accord. C'est tout. Sinon, ça c'était sur un des côtés. Sur l'autre côté, ça dit caramel, milk, chocolat, chocolat au lait avec un code barre. Il n'y a pas de date de péremption, mais je l'ai acheté récemment, donc ça devrait bien aller. Et sur le côté, pour vraiment t'aider, parce que tu as vu, il y a comme un petit flap à ouvrir ici, comme sur une boîte de produits de jouets. Soit. Oui. C'est un petit flap, mais tu as aussi sur le côté un pointillé. OK. Pour ouvrir un peu comme une boîte de Kraft Dinner. Ah. Donc ça va être à toi de décider. Mettons, d'un côté, je suis la fente, puis d'un côté, je suis le flap. Oui. C'est comme le sucré au salé, faut le choix. Oh boy. Ouais. Hey, c'est difficile. Ça demande des choses. Je t'envoie ça à travers le corridor. OK, c'est moi qu'il faut que je choisisse en plus. Ben oui. Floup. Voilà. J'espère qu'on vient pas de toutes les casser. C'est bien mieux, ouais. Je pense que je vais l'ouvrir comme... Comme un Kraft Dinner? Ouais. OK. Donc, sur le micro magique, bien sûr, qui nous attend chaque semaine. J'étais comme déjà en train de l'ouvrir. Ouais, là. J'y ai pas passé. Tu connais la concentration. Concentration. Je l'ouvre comme un Kraft Dinner, mais je suis en train de me dire que je vais pas comme le briser. Non? OK. Ben bon, voilà. En fait, je te dirais que les Kraft Dinner... Petit sac à l'intérieur. Sac d'aluminium. Mais avant de l'ouvrir, Kraft Dinner, il y a un petit pointillé sur le côté. J'ai jamais réussi à l'ouvrir correctement par ça. J'ai moi toujours non ouvert plus. Normal comme une boîte. C'est vrai, parce que c'est enrageant, en fait. Puis oui. Quand tu l'ouvres par les petits pointillés, les nouilles, ils passent jamais dans le trou. C'est vrai! C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bref, le sac d'aluminium dans la boîte. Moi, puis ouvrir un sac d'aluminium, là. T'aimes pas ça? C'est le son pas ou... Pas que j'aime pas. Oh, ça sent bon. Ça s'ouvre jamais correctement, non. Et puis, en plus, dans le sac d'aluminium, il y a comme une petite... Un distributeur, un tray, un rack. Un distributeur. Wow. Oh, je pense que c'est à l'envers. Ah, ils sont pas placés comme des... souvent, on va pouvoir suivre la boîte à l'envers. Ils sont pas placés comme dans un bag de Pringles. Les pots de Pringles sont en étage. Ah, mais il y a peut-être un copyright de la compagnie qui fait Pringles. C'est comme un... Ben, c'est comme un emballage de... si on veut, de biscuits, OK? Ouais. Séparés en sections et les chips sont empilés en colonnes sur, j'imagine, 3 ou 4 colonnes. Il y a combien de colonnes? Je sais pas, mais t'as aucune idée à quel point ça sent bon. Ah, ça a l'air bon. Mais je veux le nombre de colonnes. Donc, je l'ouvre au complet? Ouais, au complet. Il y en a sûrement 3? Oui, je crois qu'il y en a 3 parce que si on regarde sur le côté de l'emballage d'aluminium, il y a 3 flèches. Ah, ben oui. Qui expliquent qu'il y a des chips sur le dessus. Et t'en estimerais combien dans le premier trou? Oh, bonne question. Attends, je vais sortir. Moi, j'ai les vraies questions. Un vrai genre de congrès. OK. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12? Il aurait pu en faire 10 et sauver de l'argent. Donc, 12 fois 3, 36. Ouais. 36 croustilles. Mais des fois... Je vais m'en prendre une et te passer le paquet. Mais tu connais les emballages de biscuits comme les Oreos. Ouais. Non, c'est pas les Oreos. C'est quelle sorte de biscuit que les rangées... Ah, c'est les célébrations, je crois. Les... merci. Je vais devoir bouger. Attention. Oui. Voilà. Maudite grande table de fou. Ouais. J'allais dire. Oui, que les emballages de biscuits célébration, si vous avez remarqué, la première rangée a plus de biscuits que les rangées du fond. Ah, oh, ouais, les j'ai rangées, jamais remarqué. Les rangées du fond ont un faux fond qui leur fait prendre de la hauteur. Tu regarderas, il y en a comme, mettons, il y en a 4 dans la première rangée, il y en a 3 dans la deuxième, puis 3 dans la dernière. Ah, oh, ouais. Tu regarderas ça et tu seras déçu, Tania. Ben, c'est bref. Clair que je vais faire cette observation prochaine. Moi, je suis de même. Je te l'ai dit, un vrai Jean-Luc Mongrain. Donc, moi aussi, j'en prends une. Elles sont plus petites que des Pringles. Oui. D'apparence. Combien estimerais-tu pour la grandeur, je te dirais, de la grandeur d'un... C'est vraiment dur à dire. Je sais vraiment pas, mais sérieusement, à l'odeur que ça a, ça me fait penser à... Oh oui. Je cherche à quoi ça me fait penser. Les œufs Cadbury? Peut-être un petit peu, ouais. Non, ça sent... Wonka. Wonka, OK. Ou Cadbury. Ah, c'est, ben c'est clair, ça sent le Cadbury, en effet. Oui, ça sent le Cadbury. Ça va être bon, je pense. Donc, on a l'odeur... Est-ce que c'est comme des petites particules de caramel dur? Parce qu'il y a comme des choses dans la chip. Il y a du riz. Ah-ha. Du riz soufflé, du caramel et du chocolat. Et pour moi, je trouve que la forme est parfaite pour la langue. C'est vrai. Hein? Mais d'après moi, c'est fait pour ça. C'est pour que tu puisses te la mettre sur la langue. Puis que ça fonde. Puis ça fonde. Puis qu'après ça, t'as le petit pop du riz, là. Ouais, quand ça tu vas manger. Ça. Est-ce qu'on y va? On se met ça sur la langue, puis on attend? Est-ce qu'on laisse fondre un peu? OK, animons avec ça sur la langue. OK. C'est plus... Ouais. Ça fond pas de temps, c'est ça? Ça fond pas. Faudrait troquer. Mais c'est... Est-ce que ça devient mou? Ça devient mou! Ça devient mou? C'est bon, ça. Mais la chip était trop grosse pour ma bouche. Ouais, t'as une petite bouche. Croquant, ouais. Lorsqu'on croque. C'est bon. Oui, oh. Il est très, très, très laiteux, le chocolat. Très crémeux. Très crémeux, oui, c'est le meilleur mot, j'aime. Mais j'aime beaucoup. la différence entre justement le crémeux et le croquant du petit riz. Il y a un petit, une complémentarité des deux. Oui, moi, tout à fait. Moi, j'ai envie de vivre un défi là, avec toi. Ouais, vas-y. J'ai envie d'en prendre trois en même temps. Oh, trois? Je t'essaye. C'est beaucoup de trois. C'est toi qui s'élève cette fois-ci. Je veux voir si le croquant est là au trois, OK? Au trois, OK. Je me lance. Ou si ça fait trop. Tu vas vraiment avec trois. Non, non, non. C'est mou. On sent pas le croquant du tout avec trois. Ah ouais? OK, attends, j'essaie. Est-ce que tu sais comme tout... Ouais. Mis dans la bouche ou t'as pris une croquée? Bouche. Ok, parce que moi je suis pas sûr que je vais réussir à rentrer tout ça. Ok, je vais. C'est délicieux, ça goûte pareil comme une. Évidemment, c'est avec le riz soufflé dedans. La. Comment on appelle ça? Moi j'ai. La crunch. Oui. J'ai été en croquée, contrairement à toi. Mm-hmm. On ressent beaucoup plus le croquant. Croque au milieu, ok. Ouais. Moi, je trouvais que quand je croquais les trois en même temps, ça restait mou. Et mm-hmm. ensuite, t'avais le croquant du riz. Oui, mais... ça reste du chocolat, là. Faut pas penser qu'on croque dans une Coffee Crisp ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est pas une crunch non plus. Crunch est plus épaisse. Oui. Donc, il y a des grains de riz plus gros. Mm-hmm. Donc, moi, c'est sûr que si j'ai envie d'un croquant, d'un chocolat croquant, je vais y aller pour une crunch. J'adore les crunchs. Oui. Je trouve que c'est sous-évalué. On n'en parle pas assez souvent. Et moi, je leur conseillerais, à la compagnie qui fait crunch, de faire une crunch au caramel parce que je trouve que la combinaison chocolat-caramel. C'est gagnant. C'est vrai. Donc, une Crunch édition caramel, ce serait très vendeur. Verdict pour toi? Un pouce dans les airs, là, complètement aussi. En haut. Très dans les airs. Si je me rappelle bien, j'ai acheté ça dans une... je crois que c'était... Il me semble que c'était à la pharmacie sur Desforges. Ah ouais? Je vais aller voir ma photo. Je garde tant les photos des produits. Des fois, j'oublie de la mettre sur Facebook, mais je vais essayer de me rappeler de la faire. Bref. Deux pouces en l'air, c'est réussi. Pour les chocolats de la compagnie Chocolat, avec un apostrophe. Quand même! Ça te dit, je sais qu'en temps normal, on n'est pas censé dire la valeur nutritive de ce qu'on mange. Tu fais ce que tu veux, moi, je fais mais, ce que je veux. 220 calories, pour combien de morceaux selon toi? OK, ça doit pas être pour un quand même? Non. Pour trois comme j'ai pris? Pour 12. Pour 12? Est-ce que tu es supposé manger 12 à la fois? J'avoue que j'en mangerais probablement mais 12. Mais 12, c'est une rangée. Oui, une rangée complète, mais c'est ce que mais j'en mangerais pas 12 parce que. C'est du chocolat, là, quand c'est même? C'est très, très sucré. Pour ouais. vrai, là, je l'ai en ce moment, c'est sucré. Tu en as mangé 4, ouais. là, au total, puis je le sens, là. Oui, oui, vraiment. C'est comme, j'ai même pas besoin de café. C'est vraiment excellent. Chocolat 36, caramel et chocolat au lait. C'est magnifique. Je pense qu'on va se terminer ça aujourd'hui. Tu avais dit que c'était importé de la Belgique. Hein? Je me demande si c'est oui. vraiment comme du chocolat belge. Et c'est pour ça que l'onctuosité du chocolat est comme ça. C'est marqué fabriqué de succulent chocolat belge à la plus haute qualité. Donc, d'après et voilà. moi, oui. C'est sûr. Donc, allons-y avec des nouvelles de fast-food. On n'aura pas énormément de temps pour en faire. Commençons par les emballages inspirés des couleurs du duvet des oies. Oui. Le défi principal était de faire connaître l'oie et d'éviter la confusion avec le canard. C'est Orange Tango qui a conçu la plateforme d'emballage de la ferme Québec Oie. Hein, c'est un jeu de mots avec des oies. Mm-hmm. Une ferme familiale spécialisée en élevage d'oies et en production de foie gras. Le défi principal était donc de faire connaître l'oie et d'éviter la confusion avec le canard. Inspiré par les couleurs du duvet des oies élevées à la ferme, nous avons développé les emballages en proposant une image pure, naturelle et près des origines françaises de l'oiseau. Donc, si on analyse un petit peu l'image, le pot, évidemment, on voit le foie à l'intérieur, hein, quand même. Le papier ouais. autour est très, très blanc cassé, avec dessus une écriture couleur encore un petit peu juste filigrane, si on veut. Ouais, c'est comme à la mode, hein, ça? Oui, absolument. C'est marqué foie gras d'oie. Et là, tu peux évidemment marquer le nom de la personne à qui tu... non, c'est pas ça. C'est le nom des personnes qui ont fait le foie gras. Donc, ici, c'est Natacha et Simon. Et le couvercle du pot est d'une couleur dorée. Ouais. Voilà. C'est quand même assez joli. Ensuite, c'est de fausses publicités pour une... en fait, c'est de vraies publicités pour une fausse épicerie locale qui... parodie un peu les prix surréalistes pour la nourriture dans le nord du Canada. Ah, comme l'augmentation des prix qu'on a présentement. Tu sais, comme chou-fleur. Un brocoli, le chou-fleur, tout ça. Mais c'est quoi ce gag-là? J'ai pas suivi la nouvelle. Ça coûte combien un chou-fleur en temps normal, mettons? Ben, en temps normal, ça tourne autour de, je sais pas moi, 3,50$ à 4$. Mais là, on a comme augmenté de façon... À combien? Bien, je pense que ça s'est vu au Québec, là, dans les dernières semaines, ouais. 8$. Donc, c'est genre le double barre oblique triple du prix. Okay. C'est terrible. Ouais. C'est quand même pas mal cher. Mais bon, donc, si vous voulez payer pour un sac de farine 48$, vous pouvez vous rendre au nord du Canada. Hein? Quand même. Donc, c'est une nouvelle campagne, service genre public, si on veut, qui utilise l'humour noir pour parler de problèmes sérieux, c'est-à-dire le prix de la nourriture qui augmente sans cesse au Nunavut. Étant donné que c'est un territoire très peu populé, mm-hmm. très peu de population, évidemment, ça coûte très, très cher d'envoyer des camions jusque-là. C'est une publicité, donc une parodie par l'agence de Calgary Wax pour un supermarché fictif qui s'appelle Way North, qui nous montre donc les problèmes avec évidemment un jingle super mauvais et de la vidéo qui fait grincer les dents que je vais essayer de vous décrire du mieux que je peux. Hein? Really high prices for everyday items. Des prix très élevés pour les articles de tous les jours chez Way North Foods. Here at Way North Foods. Ici chez Way North Foods, nous voulons vous amener les prix les plus chers que vous ne trouverez pas ailleurs. Cette semaine, enlevez de l'argent de votre budget avec un steak pour $72.99. Dépensez de l'argent pour votre petit enfant avec de la formule pour bébé à $55.39. Nos prix n'arrêtent pas de monter. 10 kg de farine, tout usage pour $55. Vous n'allez pas vous en sortir avec ces super offres. Du chou pour $28.54. Alors venez maintenant chez Way North Foods. Où nous en offrons en moins pour plus cher. C'est pas mal ce qui se passe, hein? Way North Foods n'est pas réel, nous dit la vidéo. Mais pour les familles du Nunavut, ces prix sont réels. Ah ouais? C'est le moment d'arrêter l'augmentation des prix. Hashtag end the price hike ou encore endtheprice hike.ca. C'est fou quand même de penser que c'est dans notre propre pays. Là. Oui, oui. C'est ici, là. C'est pas loin. Ben, c'est loin. Mais c'est pas si loin que ça non plus, tu sais. Si. Ah, dans le Nord. Donc, voilà. Allez voir la petite vidéo et évidemment par vous-même pour voir l'effet que ça donne et d'autres prix et des recherches par rapport à ça sur assemblagerequis.com. Mm-hmm. Personne sur Terre aime le déjeuner toute la journée chez McDonald's plus que ce gars-là. C'est chez Jingle Punks. Donc, Will Perkins, c'est un gars du Milwaukee, un résident du Milwaukee, qui adore le déjeuner servi à longueur de journée chez McDonald's aux États-Unis tellement qu'il a composé des power ballades. Mais en non. Son honneur. Oui! Donc, c'est sérieux. Une autre parodie par Jingle Punks. C'est une performance dans la chambre à coucher de Will avec un style rétro. Hein? Ouais, très rétro, mettons. Évidemment, elle s'est hébergée sur un serveur qui s'appelle NeoCities, un peu comme une parodie de GeoCities à l'époque des vieux sites web. Ben oui. Donc, écoutons sa première chanson pour McDonald's. Mais McDonald's! Another day is done. Une autre journée terminée. Another battle won. Une autre bataille gagnée. I'll retire to my chambers. Je vais me cacher dans ma chambre avec woman that I love. La femme que j'aime. As the candles dim, maintenant les chandelles s'éteignent. Je me sens sale à l'intérieur. I lust for breakfast. Mon envie de déjeuner evening, le soir. Where do I begin? Mais où puis-je commencer? Suddenly an angel. Soudainement un ange is before me. Apparaît devant moi. He said his name was Ronald. Il dit que son nom c'est Ronald. He assured me it don't matter. Il m'a montré que peu importe l'heure de la journée, le déjeuner de McDonald's est ici. McMuffins and McGriddles. McMuffin, McGriddles. Petite patate. De la viande entre ses œufs. Je n'ai même pas besoin de sortir de la ville pour manger des patates chaudes. Le déjeuner est délicieux. Pa-da-pa-pa-pa. J'aime ça. Hey boy. J'adore traduire des chansons en temps réel. C'est très drôle. Ma passion de la vie. Ah voilà, donc une vidéo qui est une publicité pas nécessaire et absolument pas voulue par personne. Par Will Perkins. J'adore ça, c'est présenté par les gens de chez Jingle Punks. Maudit que j'aime ça. Pour vrai, là, je capote sur les jingles. J'adore tellement ça. Surtout lorsqu'ils sont créés de toutes pièces dans le présent. Mm-hmm. Ah, tu viens vraiment comme de remarquer et témoigner de mes passions. Clairement. Traduire des chansons et regarder des jingles. Maintenant, on reste chez McDonald's avec oui. 22 photos de McDonald's à Sand Lake Road. Donc, Sand Lake Road McDonald's, c'est le McDonald's le plus bizarre de la vie. Et je dois avouer que... Non seulement tu dois l'avouer, mais je dois t'avouer une triste nouvelle. C'est pas vrai. Non, c'est vrai, mais ce McDonald's va fermer. Oh non! On a annoncé que le plus grand McDonald's au monde sur Sand Lake Road et iDrive va se relocaliser, donc va déménager. Il va avoir un facelift, ça va devenir un McDonald's normal. Oh, c'est-tu pas triste, rien qu'un peu? Je sais bien. Donc, on dirait que le McDonald's a jamais été rénové, en fait. Il a probablement jamais été vraiment tant modifié que ça. Sûrement qu'on a mis à jour quelques trucs technologiquement parlant, les caisses enregistreuses, mais le décor, les peintures sur les murs n'ont pas changé depuis le début. Donc, c'est sur OrlandoWeekly.com qu'on parle de Ken Story, qui est allé voir cet endroit iconique et qui a pris quelques photos de ce trésor d'Orlando avant qu'il fasse partie de l'histoire. Si on clique sur le lien dans l'article, c'est vraiment cool comme photo. On va décrire un peu les murs à l'extérieur. Bon, il y a un avion de McRonald's Air, je sais pas pourquoi. Mm-hmm. Toutes les mascottes de McDonald's, les personnages, là, le hamburger, etc. La devanture, c'est comme un truc de frites. rouge avec les frites qui dépassent, mais en lumière. Il y a des, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des quadrillés orange, jaune et rouge. Oui. Ça fait vraiment très, très rétro, là. Vraiment. Tu sais, les anciens McDonald's, il y avait cette espèce d'affaire-là sur le toit qui descendait jaune, qui faisait rappel de l'arche. Ouais, en fait. C'est comme des barres jaunes, exactement, mais qui rappelaient en effet le jaune du M. C'est on ça aussi. Hein? Ouais. Ah, c'est vraiment super bon. Donc, c'est un gros McDonald's avec trois étages de frites à l'avant et plein de choses très, très touristiques, vraiment super cheesy. Après des décennies sans remodeler le McDonald's, en fait, ils ont seulement ajouté quelques trucs, mise à jour des parties de la bâtisse qui allaient tomber sinon. Donc, la compagnie McDonald's Corporation a acheté l'ancienne station-service à côté en décembre 2012 et maintenant, un plus grand McDonald's est prévu, encore plus grand que ça, à un nouvel endroit. Donc, après des années de négociations, on dirait que le franchisé présent, Other Foods, va opérer le nouveau McDonald's. Donc, alors que le terrain est encore une propriété de McDonald's Corporate. Bref, l'histoire est compliquée, mais allez voir d'autres photos. Il y a une petite galerie de photos sur assemblagerequis.com. Quand même. Ensuite, le McDonald's du futur est ouvert à Hong Kong. Oh! Hong Kong accueille le plus récent format de McDonald's dans le monde. Dites bonjour à McDonald's Next, c'est McDonald's du futur. Selon Trend Hunter, Contemporist et Hong Kong Navy, la firme de design Landini Associates s'est associée, bien sûr, à la chaîne de fast-food pour créer ce très, très charmant McDonald's qui ressemble plus à un bistrot à Hong Kong. C'est près de Admiralty Station. Le photographe Ross Honeysett a pris ses photos sur assemblagerequis.com. Et donc, on voit, si on décrit un peu, c'est très, très, je dirais, chromé. Oui. Très, très métallique. En effet. Très gris. Gris, oui, en effet. Industriel, avec un petit peu de bois, parce que c'est très la mode de mélanger le chrome, donc le métallique et le bois en ce moment. C'est un genre. Moi, je serais vraiment pas sur cette mode-là, mais bon, que voulez-vous? Ah ouais, t'aimes pas ça? Bois et métal, je crois, non. Ça me fait pas trop. Moi, je trippe. J'adore. J'aimerais mieux juste bois en tant que tel. Je trouve pas que le chromé, moi, c'est pas. J'aime mieux l'aluminium brossé que le chromé, je trouve. Ouais. C'est trop brillant, tu te vois trop dedans. Bref, AEW est rendu chromé, puis j'aime pas ça. Tout ça pour dire que, oui, donc il y a des petits icônes de salade, de café, de croissant, de cornet sur des genres de, je dirais, un panneau de semi-plexiglas ou vitre, oui, rouge, transparent. Donc c'est très, très, il y a vraiment ça partout là, dans le restaurant. T'as aussi plein d'écrans de télé, sans bordure, d'affichés partout. T'as des bouts de métal fixés au mur avec des fixtures apparentes. Donc, un peu comme si on avait mis des boulons dans les coins. Donc, ouais, ça fait vraiment très, très industriel. On dirait que tu entres dans un truc désinfecté. Là, genre où on crée de la nourriture, faut pas que tu mettes des microbes nulle part. Les tables sont en genre de marbre. Il y a comme un retour du marbre qui ressemble un petit peu à du béton marbré. Ça, je trouve ça quand même beau. Les chaises ont un contour en bois. On dirait du cuir, je sais pas si ça en est. C'est très, très bistrot. Je pourrais continuer longtemps à expliquer ça. Mais on dirait même pas, en fait, un McDonald's. Zéro. Je suis même pas certaine que ce qui sert, c'est des repas McDo. Ben, ils servent, dans le fond, un menu, je crois, un petit peu plus classe. Ouais. Ils ont, entre autres, des asperges. Des asperges, yark. Du maïs, non. Du fromage en copeaux, des pâtisseries, des muffins, des sandwichs faits maison. Tu sais, ils doivent avoir les classiques, mais comme... pimpé peut-être un petit peu. On voit les publicités d'hamburger quand même sur la dernière photo en bas de... Pas la dernière, mais les photos sur Instagram. Si vous allez suivre Chouchou Train sur Instagram, elle a posté plusieurs photos. Bref, c'est cool, mais je suis pas sûr que c'est McDonald's. Les gens qui veulent aller chez McDonald's veulent du McDonald's. Ouais, c'est ça. En tout cas. Il y a des parodies de McDonald's. On va terminer avec ça, je crois. Hein. Oui. Donc, McDonald's, c'est des copies de McDonald's à travers le monde. C'est une galerie de photos. Donc, McDonald's, c'est en Kurdistan irakien. C'est ça, Iraqi Kurdistan. Donc, qui vend des Big Mac avec M-A-C-K-S et des... Mais non. Ouais, et donc, il y a aussi le... Ils ont le droit d'utiliser même logo? Absolument pas. En Asie, c'est la mode de partir des boutiques qui ressemblent à Apple, qui ressemblent à d'autres choses. Donc, c'est souvent aussi populaire que les magasins d'origine. Mais c'est complètement illégal, bien sûr. C'est ça. Ici, on a aussi en Chine le Weichel Alone, mais avec un M viré à l'envers pour faire un W avec les H, bien sûr. T'as Mike Wong, fast-food asiatique, en Suisse, à Genève. T'as au Togo le Al Donald fast-food, où ils ont pris le M et ils l'ont divisé en deux. Et chaque côté, t'as une courbe du M et l'autre côté, la courbe du M. À Stockholm, t'as le McDragon, avec des striptease live. C'est un strip-club à Stockholm, qui est évidemment tiré à la haine de McDonald's. T'as en Albanie, où t'as Colonnat, où à la place d'un M, c'est comme un genre de symbole asiatique que je connais pas trop. Donc voilà, allez voir la galerie de photos de ces faux McDonald's. Voilà.